DKL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Vous avez déjà entendu parler des monologues du vagin? Ouais, moi je sais le faire, je sais faire parler mon sexe, hein, écoute. Mais non, laisse tomber, on comprend rien. Et toi, Jacques? Non, mais on comprend rien non plus. Vas-y, Roux. Salut les mecs, ça fait longtemps que j'ai pas servi. Bah, toi, on comprend. Bah ouais, mais moi, je suis circoncis. En 2005, l'ouragan Katrina ravageait la Louisiane. Florence Aubenas s'était enlevée. Ahmadinejad était élu président. Et Indochine sortait un album. Mais la pire catastrophe, c'est l'arrivée de Michael sur Énergie. 5 ans après, ils sont toujours là le soir. En 2010, le drame continue de 21h à minuit sur Énergie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Très bon. Très bon. Oh, il y a eu une putain de neige à Bruxelles. Oh la violence, 25 cm. Putain, wow. C'était tendu. Hein. Sur Paris aussi, il y a eu beaucoup de neige. Ouais. Ah bon? Ah ouais. Ce week-end? Ouais. Bah, ah bon? Pas. Bah non, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas neigé, c'est pour ça. Ah bon, c'est bien foutu de ta gueule. Ah ouais, bah, moi je m'en fous en même temps. Hein, mais non, je savais pas qu'il avait neigé ici en fait. Hein, mais c'est pour ça. Donc ouais, non, c'était violent. Hein, c'était violent. À un moment, j'étais à 50 km/h, mais arrêté. Ah c'est bien, c'est... C'était très pratique puisque c'est juste les roues qui glissaient. C'est très bien, c'est très bien. Bon, ce soir on aura Monsieur X qui passera nous voir pour la dernière fois de l'année. Oh. Non. Et peut-être même la dernière fois tout court. Hein. Oh non, oh, bah non. Oh, bah on n'est pas à l'abri. Hein. Bon, Sandro qui est en pleine forme. Oui, on va parler du monologue du vagin ce soir, c'est ça, ouais. Ils fêtent leurs 10 ans apparemment. Ils sont plusieurs. Pourquoi ton vagin fait souvent le monologue? Mais non, mais il y a plusieurs témoignages dans cette pièce de théâtre. Oui, tout à fait. Bon, on aura l'occasion d'en parler. Il paraît que Jennifer Lafesse est une catastrophe. Oui, elle s'est fait défoncer par la critique. Ah ouais? Oui. Pas de musique, hein. Ah, les vrais critiques de théâtre, quoi. En fait, moi j'avais lu un extrait, ce qu'un mec avait écrit. Il avait dit que c'était jamais autant emmerdé qu'aller la voir. Ah, ah oui, donc c'est violent quand même. Hein. Bon, très bien. Toi, qui a passé un bon week-end? Très très bon. T'as fait un 18 trous? Plus. Ah, plus que 18? Ah, oui, plus que 18. C'est le Tiger Woods belge. C'est pas mal, c'est pas mal. Roux en pleine forme, froid Roux donc apparemment. Ouais, j'ai pas chaud, ouais. Et ça me fait plaisir parce que j'ai demandé à Roux s'il voulait me prêter de l'argent, il m'a dit oui. Bah, si t'as besoin, je te ferai de l'argent. Et ben franchement, ça me fait plaisir, ça me touche. Beau, t'as demandé beaucoup. Ça. Non mais tu sais, je réfléchissais, je me dis à qui je peux aller demander. Bah à Roux quoi, il y a que lui qui est blindé. Ah, ouais, il y a que lui qui est blindé. C'est un peu le coffre-fort de l'équipe. Exactement, ouais. C'est un peu la banque du Roux quoi. Ouais, c'est la banque du Roux. Comme tu dis, ouais, les intérêts. Bon. Ouais, oh là là. C'est pas ça l'esprit Noël. Ah non, j'ai rien à foutre. Ah bon, d'accord, ok. Bon, Jack qui va bien aussi en pleine forme. Impec. Et puis Micha au standard, comme d'habitude, au 0870 42 48. D'ailleurs, le temps d'écouter le répondeur maintenant qu'il est. Quel est le nom du gagnant et quel est le gagnant, celui... Oh, ouais, je te confirme. Celui qui a laissé le message le plus original au 01 40 71 3400. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Salut l'équipe, alors moi en fait j'ai une petite chanson pour vous. Allez, je vais deviner pour qui elle est. Quand j'entends ta voix, j'en ai marre de toi. Quand j'entends tes pieds, j'ai envie de gerber. Quand je vois tous tes roues, je me dis que t'es un bouffon. Quand je vois le PSG, je me dis... C'est quoi, c'est raté? Alors c'est pour qui? Allez, devinez. Fin du message. Message suivant. Polo chaud avec Polo, c'est de la merde. Le Polo chaud, c'est vraiment nul sur l'énergie. Fin du message. Bon, on avait dit pas de blague, suivant. Mais pas de chance. Oui, bonjour, c'est Zinedine. C'était simplement pour dire que j'écoute l'émission tous les jours et que je voulais souhaiter un joyeux Noël à toute l'équipe. Puis pour rajouter que bon, j'écoute et le Roux était quand même très très sympa. Donc franchement, ça serait bien que l'équipe lui offre tous un cadeau. Quoi. Non, bah, voilà. Et puis bonne chance à Lyon. Pour la Ligue des Champions. Fin du message. Message suivant. Salut l'équipe, alors moi je voulais vous dire, en fait vous êtes trop des boss, sérieux. D'abord vous découvrez des artistes sur internet, après vous les avez en exclusivité mondiale et en direct en plus à l'antenne. Live from Algeria. Et puis après vous les invitez dans votre émission. D'abord les mini moustaches, après Amandine 38 et maintenant Walid. Vous êtes trop des boss. Mais en fait c'est un petit problème. Vous voulez vraiment savoir ce que c'est le problème? Eh bien, le problème, c'est les artistes, quoi. Ouais, C'est tout, mais sinon vous êtes trop dépasse quand même. Hein. Je vous adore, bisous. Fin du message. Message suivant. Qu'est-ce que c'est qu'être animateur radio? C'est commander des kills 4 pour nourrir sans gros, taper des barres. Pendant que Rouetta souffre, ils font déchiqueter la gueule à l'expression du jour. C'est dédicace à Roux et à son gaz nucléaire. Dédicace à Top, le follow-up, le pervers. Dédicace à Mikaël, y'a plus de rap, des métiers. Oh putain que j'ai la haine. Tiki tiki t'inquiète, Mikaël, l'équipe de choc. Je vois déjà Micha bouger sa tête comme un coq. Que des casseux, tiqué à la radio. De 21h minuit sur Énergie 1. Voilà, ça c'était juste un message pour que vous puissiez remettre le rap des métiers, parce que ça m'a manqué, frère. Allez hop, à plus, la famille. Fin des nouveaux messages. Oh, le dernier était quand même recherché, retravaillé, chanté, rappé, tout ça. Il mérite. Bah, le dernier, Michel Dernier. Je crois que le dernier, il travaille ici. Hein. C'est pas le Réa de Cash qui a laissé le message. Ah, bah, peut-être. Ça doit être lui. Hein. Bah, tant mieux. Hein. Bah, tu vérifieras quand même. Oui, ça marche. Ouais, c'est ça, ouais, très bien. Bon, et puis, bah, vous, en direct, si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas. 0870 42 48. Le 612 débuté par Énergie, il marche aussi. En laissant votre prénom, votre âge et votre numéro de téléphone ou encore sur amical.fm bien évidemment. Et puis bien entendu un petit c'est qui pour ce soir. Hein. Commençons la semaine comme il le faut. A votre avis, qui chante ça? La violence des bouleversements qui est en train de tout changer dans le monde. Dieu merci va casser ceux qui n'auraient que l'idolâtrie de leur moi. Dieu merci, parce que peut-être en les cassant. Ça leur ouvrira les yeux avant c'est du slam. Ouais. Wesh. Voilà. Si vous avez une idée de qui moi chante ça. Moi j'ai une idée, je peux la proposer. Bah vas-y toujours. Si c'est la bonne réponse. T'auras pas gagné quoi qu'il arrive, mais bon. On dirait Bernard Tapie. Hein. Non. Pas du tout. Oh voilà. Si. Pas du tout. Bah non. Bon bah je vais changer de dealer alors. Bah voilà. Bon, si vous avez une idée, n'hésitez pas. 612, débutez votre message par Énergie. Il y a des. Avec la réponse aussi, il y a des packs Ice Age 3, Le Temps des Dinosaures en DVD en Blu-ray, des DVD de Cléopâtre, des Street Surfing aussi, des DVD de Neuilly sa mère, des places de foot pour aller mater Lyon Auxerre, c'est mercredi le 23 décembre. Et puis toute cette semaine, on fait. Enfin toute cette semaine, aujourd'hui, demain, après-demain, jeudi, le sapin de Noël, puisque le sapin de Noël cette année revient. Puisque c'est Noël, ça tombe bien. Avec des disques durs multimédia, enregistreurs TNT, plus un ensemble dieu du stade, les téléviseurs LCD 32 pouces, PS3 avec un jeu qu'on file aussi, plus une caméra numérique, des caméras numériques avec des radios Wi-Fi. Bref, il est rempli. Ouais, c'est voilà. Bon, là. Et va. Si vous voulez vous inscrire, à tout moment vous pouvez le faire. Hein, donc 612, débutez votre message par Noël avec votre prénom, votre âge et votre numéro de téléphone. Voilà. Bon, et puis on jouera bien évidemment au sapin de Noël. Au sapin de Noël tout à l'heure. Voilà. Au niveau de l'Asie, on mettra quoi? Le son de Miley Cyrus, on aura aussi Tom Frager. Bah, j'ai cru qu'il était décédé. Yes. Ça faisait longtemps qu'on n'a plus entendu. Il y aura quoi? Keisha aussi avec TikTok. On fera péter des sons rock US, bien entendu. Il y aura Black Eyed Peas avec Meet Me Halfway. Et puis, ah oui, c'est un truc dont je voulais parler aussi. C'est bien parce que je me le suis noté quand même, sinon j'allais encore oublier comme d'habitude. Ouais. C'est des flics anglais qui prennent des cours d'hypnose. Pour quoi faire? Alors, c'est les autorités britanniques qui ont décidé d'offrir, et ça c'est gentil de leur part, des cours d'hypnose aux flics pour leur permettre de mieux interroger les personnes suspectées de délit. N'importe quoi. Voilà, donc apparemment. Détends-toi, tu vas me dire la vérité. Ouais. Regarde-moi dans les yeux. Au moins, ça fait moins mal que le botin, quoi. Ouais, c'est vrai quand tu le prends en pleine gueule. En fait, c'est un célèbre hypnothérapeute, c'est Tom Silver qui apparaît souvent dans des émissions américaines, qui va dispenser les cours. Donc, il avait hypnotisé une femme lors d'une émission. Elle pensait ensuite avoir un orgasme en serrant la main d'un homme. Ah oui, c'est dégueulasse de faire ça. Mais bon, apparemment, les preuves obtenues sous hypnose restent heureusement contestables devant la cour. Hein. Ah, donc alors, ça sert à rien, quoi. Alors, la question que le roux se pose et beaucoup d'entre vous, combien coûtent ces cours? Alors, C'est offert ou pas? Oui, le petit avant-goût est gratuit. Et puis c'est l'offre découverte. Ouais. Et puis c'est 1 700 € la séance. Alors, c'est quoi? C'est le flic qui. Ah non, tu m'as dit que c'était offert par. Ouais, non, mais là, au début, c'est offert au flic, mais il les paye, je pense. Il paye Non, mais c'est l'État, enfin, tu payes, quoi, en gros. Ouais, c'est voilà, l'État, oui, voilà, c'est bah, 1 700 € la séance, ça fait cher, quand même. Ah, bah, je te confirme, ouais. Mais après, si t'as un résultat. Bon. Mais imagine en France, quoi, si les flics commencent à faire de l'hypnose, ça ferait un scandale. C'est-à-dire, ça ferait débat pendant 1000 ans dans la presse, quoi. Bah, surtout les ripoux, quoi. Bah oui, non, ça c'est. Ils vont ah, oui, profiter oui. à mort. C'est clair, il y en a oui, très oui, peu oui, en France. Oui. Venez au commissariat ça, avec moi, ça, mademoiselle. Bon, non, voilà, donc. Si est-ce que vous vous êtes déjà fait hypnotiser? Venez nous le dire. 612, débutez votre message par énergie avec votre numéro de téléphone. Et qui s'est déjà fait hypnotiser ici? Personne? Si. On moi. Avait fait l'expérience, hein, ouais, une on année. Fait, hein. Il y a quelques années, ouais. Ça avait marché sur Pedro et Sandy qui étaient avec nous à l'époque. Ouais, depuis, elle fait le 6-9. Voilà. Elle est hypnotisée. Et alors, ça avait bien marché sur elle. Elle faisait du piano ouais, dans le vide. Ouais, elle faisait, elle faisait piano. Du piano. Ouais, putain, et alors un truc qui est hallucinant, c'est qu'elle voulait faire un, elle voulait maigrir, elle voulait perdre du poids. Et c'est vrai que après ça, après la séance, elle a perdu beaucoup de poids. Ouais, c'est ça au miroir. Hein. Non, elle avait perdu vachement. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Bon, enfin bref, dites-nous si vous ça avez déjà pas tout fait, le temps, hein. Si vous avez déjà fait de l'hypno, ça marche aussi pour, enfin ça marche chez certaines personnes. C'est pour genre pour arrêter la clope, arrêter les drogues, arrêter de boire, arrêter je sais pas quoi. Il y a des, mais il y en a qui l'ont fait, ça a l'air de bien marcher hein, quand ils, même. Ils font des opérations aussi. Hein, sur ouais, ouais. Ouais, il y a des malades. C'est pas vous, il y en a pas un de vous qui a une copine là, qui a fait une opération sous hypnose. C'est, non, c'est l'hypnose, c'est l'anesthésie en fait. Mais donc oui, une opération, ouais, c'était une rhinoplastie. Donc elle s'est fait refaire le nez et en fait elle a pas été anesthésiée avec des produits, elle s'est fait hypnotiser. Oh là là, mais donc vous êtes malade. Ils l'ont endormi en lui disant suis mon doigt et après ils l'ont pété le nez avec un burin. Oh, elle a rien senti. Et le doigt dans le cul, même pas senti. Quelle angoisse. Suis mon doigt. C'est ouf. Hein. Quelle angoisse. Bon bah en tout cas on en parle dans un petit instant. Si vous avez déjà fait de l'hypnose, dites-nous. 612, débuté par énergie. Venez aussi sur le fanbook et sur le Twitter de l'émission. Vous allez sur mikael.fm et vous cliquez sur la communauté pour venir nous rejoindre. Mikael, le podcast. 21h20, l'heure du faux JT maintenant avec nos deux reporters de choc, Sandro et Larousse. Nous sommes en décembre 2009. Bonsoir à tous. L'info du jour, c'est Richard Gasquet qui a été blanchi. En sortant du tribunal, quelle fut sa surprise lorsqu'il a découvert Paris sous la neige. Il s'est retrouvé nez à nez avec la poudreuse. C'est décidément une bonne journée pour le voir. France. Suite au suicide d'un employé de chez Renault, le chanteur du même nom a décidé de faire une chanson hommage. Le single s'appellera « Casse-toi tu pues et saute d'un pont ». Justice. Le mari de Chantal Goya, Jean-Jacques Debout, sera jugé en cour d'assises. Et justice toujours, suite à leur condamnation à perpétuité, les patrons de France Télécom font appel. Fait divers. L'homme qui tombe à pic s'est fait mal. Jeux vidéo. Nintendo lance une toute nouvelle console pour le monde arabe. Là oui, Del Kebir démarre en 2010. Là oui. Voilà le faux JT de ce soir donc, et retour du faux JT bien évidemment. Ah bah pas retour cette année encore du faux JT, je sais plus, on en refait si, un jeudi. Jeudi, faux JT, très bien, parfait. Ah bah très bien, version Noël en plus le faux JT. Parfait, voilà, bon si vous avez qu'est-ce que je voulais dire ? Si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes blonde à fort de poitrine, si appelez-moi. Vous êtes déjà fait hypnotiser, appelez-nous. Oui, ça aussi. Pareil avec votre bite. Au niveau de l'hypnose, en effet, ouais. Bon, en parlant d'auditeurs, justement, il y a plein de monde qui appelle, plein de monde qui laisse des messages, mais malheureusement. Personne ne rappelle. Micha ne rappelle personne, et ça, c'est bien malheureux. Merci, et ça, Micha. C'est bien malheureux. Ah, ben voilà, nous avons Audrey qui est là maintenant. Salut, Audrey. Allô, Audrey. Oui. Ah, oui. Bonsoir, Audrey, ah, oui. Ah, oui. Audrey, c'est un problème de portable. Comment? Oui, oui, oh là là, c'est pas très grave. Hein. Bon, maintenant qu'on t'entend, c'est le principal. Alors, Audrey, donc toi tu nous appelles par rapport à l'hypnose, tu t'es déjà fait hypnotiser? Oui, une fois. Ah, comment ça se passe? Pas très bien du tout. C'est-à-dire, explique-nous. Bah, c'est-à-dire que une fois que je me suis retrouvée dans un spectacle un peu genre magicien, hypnotiseur, machin et tout. Ouais. Apparemment j'ai dû lui plaire, donc il m'a demandé de monter sur la scène, il m'a fait faire... des trucs un peu à la con, d'enlever mon pull, machin et tout, machin. Il t'a envoyé des couteaux sur la gueule et il y en a un qui est passé, quoi, non? Ouais, pratiquement. Et puis bon, en fait, je sais pas s'il a, enfin, il a pas tellement réussi à faire ce qu'il a voulu. Par contre, depuis, j'ai des soucis pour dormir, pour m'endormir. Enfin, c'est un peu le bad trip. C'est de sa faute? Bah, parce que avant, j'allais très bien. Ouais, mais c'est peut-être le hasard. Enfin, tu sais, peut-être rien à voir, j'en sais rien, moi. Bref. Le hasard, là, il fait pas bien les choses pour le coup. Donc, du coup, en fait, j'ai essayé de me recontacter. J'ai recontacté. Tu t'es recontacté toi-même? Non, enfin. Qu'est-ce que tu t'es dit? Voilà, c'est ça. En fait, j'ai fait l'organisation pour essayer de le recontacter. Puis le mec, il a jamais voulu me parler ou quoi que ce soit. Il avait rien à foutre. Mais il a fait quoi au juste, à part te faire monter sur scène qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait genre, tu sais, ferme les yeux, tu penses à rien. Au bout de trois, tu vas t'endormir. T'entends que ma voix alors que j'entendais tout le monde. Enfin bon, rien qu'à fonctionner, quoi. Ouais, ensuite, et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, rien de particulier. Rien de particulier. Je faisais un petit peu genre, bah non, rien. Je t'ai fait hypnotiser, il s'est rien passé. Voilà. Moi aussi, t'as fait passer pour une conne quand même devant tout le public, j'imagine. Hein. Non, mais... Un peu, hein, un peu. Et hormis ça, tu dis c'est rien passé, mais au final, si, puisque tu nous appelles en étant persuadé que c'est de sa faute que t'arrives plus à dormir. Effectivement, enfin, je dis sur le moment, il s'est rien passé. Après, depuis, j'ai des petits soucis de pour c'est le sommeil surtout qui a été. Et ça fait combien de temps? Maintenant, ça va nettement mieux, hein. Dieu merci, mais ça va faire 3 ans à peu près. Et donc en 3 ans, même si ça va mieux aujourd'hui, donc t'as quand même, bon, on va dire galéré 2 ans. Pendant 2 ans, t'arrivais plus à dormir à partir du moment où le gars t'a hypnotisé. Bah oui. C'est on ouf va dire ça. Bah non, elle a subi un choc tout simplement. Ouais, un choc émotionnel. Mais bien sûr. Vas-y, fais-toi hypnotiser. Ça y est, on a essayé. Ça marche pas sur Roux parce qu'il a tellement peur qu'il veut pas rentrer dans le jeu. Non, c'est pas vrai. Voilà. Le Roux est j'étais à fond. Non, le Roux a peur. Non, j'étais à fond. J'avais envie qu'il m'hypnotise. Hypnotise. Ah, déjà, t'arrives pas à dire le mot. J'avais envie qu'il m'hypnotise pour qu'il me monte dessus. Parce qu'il normalement. Pour qu'il te monte dessus. Pour qu'il te monte dessus. Ouais, c'est normal, ça, se faire monter. Il était censé se foutre à. Bah, il t'a demandé d'enlever ton pull, toi. Et donc, il a essayé de se foutre à genoux sur moi, mais en fait, j'ai pas réussi à m'allonger, ça marchait pas sur moi. C'est con, ça. Ouais. Bon, et donc, toi, t'as essayé que ça, donc t'as essayé de le recontacter, mais t'as pas essayé à un moment ou à l'autre de reprendre contact avec un autre hypnotiseur pour lui en parler, pour voir. Te déshypnotiser. D'accord. Mais il y a des histoires avec des hypnotiseurs qui ont fait faire des trucs de malade à leurs clients. Ouais. Alors, je sais plus si c'est des histoires vraies ou si j'ai vu ça dans une série télé. Mais vas-y, raconte-la. Mais en fait, non, ils envoyaient les clients tuer des gens, carrément. Alors, ça devait être dans un film, ouais. Alors, faire des vols en. Des voleurs. Ça ouais. C'est possible. C'est possible, mais ça sent ramener quand même... le butin après à son maître. Ça sent quand même plus le film. Non, mais faut faire attention. Ramener le butin à son maître, c'est pas un chien. Non, mais c'est vrai que le mec, pour le coup, il peut prendre le pouvoir sur toi si t'es client régulier. C'est dangereux. Ouais, alors, il faut vraiment te faire rentrer dans une secte. Hein. Donc, le mien. Tu vas loin, toi. Je suis pas sûr. Moi, par contre, j'y crois pas. Audrey, arrête de dire que le tien, c'est un abruti et tout ce que tu veux. C'est-à-dire que je n'ai pas dit tout ça. J'ai dit que ça n'a pas fonctionné sur moi. Parce que ça fait 2 ans que tu dors mal. Ah, faut savoir. Soit c'est pas de sa faute, soit c'est grâce à lui. L'un dans l'autre, ça n'a pas fonctionné. Après, j'ai eu des petits soucis. Après, je dis pas c'est de sa faute ou c'est pas de sa faute. Depuis non, mais l'hypnose, elle a fonctionné sur toi puisque t'as enlevé ton pull et tout, tu disais tout à l'heure. Ça fait ça. Oui, mais non, ça c'est parce qu'elle avait envie de. C'est parce que j'avais envie de le faire, voilà, c'est tout. Ouais, de te le faire, non? Non, pas du tout, non, il était très bon. Ah, d'accord, ok, je pensais, voilà. Attends pas moi, très bien. Désolé. Non, mais y a pas de mal, hein. Sinon, sur mon blog, il y a une vidéo qui est un peu dans le même genre. En fait, c'est un hypnotiseur qui hypnotise toute une classe et en fait, il leur demande de faire l'amour avec leur chaise. Et en fait, ils font. Non, mais et alors ils font tous l'amour avec la chaise. Ils sont malades, hein. Et donc, ils ont quel âge, les élèves? Je sais pas, ils ont une vingtaine d'années, quoi. C'est genre une classe de fac, quoi. Et est-ce que sur ton blog, on sait où t'as acheté ton pull? Mais il dit, non. Je t'emmerde. Il a pas été acheté, ça s'est tricoté, ça. Mais oui, ça s'est fait main, ça. Ça doit être beau. Ah, je te confirme. Tu sais qu'il a ça de ce pull depuis que je le connais. Hein. Ah, c'est faux, ça va pas loin. Ça fait 2 ans que je l'ai. Oui, mais parce qu'avant, il s'en servait comme serpillère. Il y a une éponge. Tu sais le côté vert des éponges, là. Tu dis, Audrey? Non, je dis des fois, les vieilles choses, faut les jeter parce que c'est plus. Ah, bah oui, bah. Exactement ce que je dis avec ma grand-mère. Oui, enfin, Geneviève est encore là. Ouais, mais enfin bon. Bon, bah écoute, merci à toi Audrey d'être passé pour l'hypnose. Et si vous êtes derrière la radio et que vous avez d'autres cas où ça a vraiment marché, venez nous en parler. Hein. 612, débutez votre message par énergie, puis vous laissez votre prénom et votre numéro de téléphone. Bah Pedro, oui, mais on aura l'autre hypnotiseur tout à l'heure et il ne peut le faire que sur lui parce qu'il l'a déjà fait. En fait, pour que ça marche par téléphone, il faut qu'il l'ait déjà fait en vrai. Et donc, comme on l'a eu il y a quelques années et qu'il l'avait fait sur Pedro, on verra tout à l'heure. Mais alors, apparemment, il y a un mec, un connard, qui s'appelle Fred, qui bosse avec nous. Et apparemment, il a une histoire au niveau d'hypnose. Donc, non, pas vraiment. Je crois que ça n'a rien à voir. Mais c'est, bon. Si, c'est non, t'entends mal. C'est à mi-chemin entre l'hypnose et la magie. Ouais. Bon, c'est toi. Mytho, ouais. Est-ce que c'est toi qui pratiques? Il faut que tout le monde se lève. Fred, tu vas mettre un casque parce que ça va vite me saouler. Vas-y, alors. Attends. Attends, vas-y, on va prendre le plus léger de la bande. Est-ce que c'est toi qui pratique? Non, c'est moi qui pratique. Je vais servir de vous pour pratiquer. D'accord. Donc je ne joue pas. En gros, l'idée, Mike, c'est qu'on peut soulever n'importe quel poids lourd. Donc tu parles de Pablo ou du en l'occurrence polo, Pablo ça, ce soir, ouais. Avec juste deux doigts chacun, à quatre, avec deux doigts. N'importe quoi. Mais il faut y croire ou pas? Je sais comment faire moi. Tu vas voir. Ou si tu crois pas, pourquoi ça marche tu pas. Ta merde, ça. Non mais c'est une vanne, okay. C'est pas possible. Non, essaye. Viens là. J'ai bien une idée, Fred. Je peux la donner ou pas? Vas-y. Mais je sais pas si c'est ton idée. Vas-y, dis tout si tu veux. Bah, il suffit de lui mettre comme si t'allais lui mettre deux doigts dans le cul, puis il va sauter tout seul, donc il va se surélever tout seul. Non, il y a pas d'arnaque de ce genre. Il faut qu'on soit quatre. Il faut qu'on soit quatre. Un, deux. Viens me tenir le micro, Sandra. Donc on va tester. Non, je te mets pas de doigts, t'inquiète. Bon, allez. Anna, tu te mets bien comme ça. Donc on teste. Bah vas-y si tu veux comme ça. On peut voir la webcam si vous voulez. On voit la webcam. Non, on voit mal. Mais Pedro, il aurait bien voulu, mais il n'est pas assez grand pour arriver jusqu'à la webcam. Il faut. Bon, vous pouvez suivre sur amical.fm. Bon, tout seul, je suis en galère. Donc mettez bien vos doigts, vous les regroupez comme ça. Donc voilà. Techniquement, t'arriveras à porter Pablo qui fait quand même 90 kilos, hein, Pablo, hein, minimum, ouais, hein, même 100. Plus, non 110 kilos tu fais. Oh, t'as grossi. Combien 110 kilos, sa race. Non mais putain, t'en fais combien, vraiment? C'est violent. 101 105. T'as pas beaucoup rajouté pour bon, c'est déjà pas mal, hein. Les bon, gars, les mains comme ça alors. Donc il faut une espèce. On rassemble les deux mains et on garde juste. Comment s'appelle ce doigt? L'index. Juste l'index en l'air. Deux index collés. Force voilà. Rouge. Ça c'est des trucs qu'on fait dans les sectes, hein, Fred. Hein. Ouais, c'est on ça. On va se caler. Donc deux sous les bras. Là bon, c'est un peu chaud, mais sous les bras de Pablo et les deux autres sous les genoux. C'est parti. On essaie. Soi-disant, il va se faire. Et là, vous voyez, c'est impossible. Là, ça marche pas. C'est mort. Donc là, on y est vraiment là. Ouais, forcé même. Wow, wow, wow. Donc maintenant, on va rassembler nos énergies. Ouais. Là, ça commence à devenir sec. C'est parti. Ouais, t'es mystique toi aussi. Ouais. Venez là. Attends. Là, il faut vraiment qu'on pose. Arrête, mais pas d'état. On pose nos mains. Arrête de frapper. Arrête de frapper. Sur donc là, ils déposent leurs mains. On caresse, appelle. Ah, vraiment. Voilà, comme ça. Chacun son tour. Voilà, décoiffé, pas, dit Pablo. Et j'attends la chute. Non, attends, toi aussi. Voilà. Donc maintenant, on descend un peu. Et là, vous concentrez. Vraiment, concentrez-vous. Fermez les yeux. La concentration, oui. Il faut vraiment que vous soyez dedans. Et demandez. Concentrez-vous. Voilà. Il faut que tout le monde y croie. Ils ont tous leurs mains au-dessus de la tête de Pablo. Voilà, ça, c'est une technique pour nous voler. Attends, silence. Mike, si tu veux parler pendant ce temps, je suis en train de chanter un truc. Nous, faut qu'on se tête. Très bien, donc là ils se taisent, ils ont tous leurs mains au-dessus de la tête de Pablo et soi-disant en faisant ça, juste après ils pourront lever Pablo 105 kilos juste avec un doigt chacun. Enfin deux en l'occurrence. La formule magique. La formule magique. C'est parti. On y va. Vas-y, C'est ouf. C'est quoi ce délire? Là, ça marche. Et encore, attends. Je propose qu'on essaye peut-être après ou quoi. Attends. Mais toi, non. Pablo est choqué. Attends, mais il fait quoi, Fred, comme métier en vérité? Non, c'est ouf. Mais attends, mec, t'es gourou en vrai? Non, mais c'est quoi ton délire? C'est barjo. Et encore là, on peut voir sur nos têtes, peut-être si on a un peu forcé quand même. Attends, mais non, mais attends. T'as fait les scouts, petit? T'as fait les scouts quand t'étais petit? Où t'as appris ça? Il faut qu'on essaye avec quelqu'un sur les genoux de Pablo. Attends, moi, je pense qu'en fait, on peut tout essayer. Pablo est choqué. On a essayé, ça marchait pas. Je pense vraiment. Et que la deuxième fois, en fait, on y croyait tous comme des bourrins. Comme et ça que ça marchait bêtement. Et que Fred, en fait, ce qu'il a fait, c'est que lui, il a mis sa main. Et donc, forcément, il a tiré tout le monde vers le haut. Et que nous, on a suivi. Je suis beaucoup plus costaud que les autres. C'est ça. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, mais c'est pas pour ça que ça marche. C'est quoi? Non, mais c'est la concentration. Bon, c'est quoi, c'est quoi le délire? C'est de la magie. Non, mais arrêtez. Non, mais il est pas marqué. Il est pas marqué. J'aimerais vraiment avoir une explication à vous donner. J'en ai pas. C'est vraiment un truc qui fonctionne. Et tu veux faire pareil avec l'audience? Ça va peut-être être un peu plus chaud. Peut-être si tout le monde se concentre. Si on est 400 000 à se concentrer, peut-être qu'on peut faire 400 000 cartonner. Ah, tant qu'à faire, autant prendre 50 millions direct. Ouais, là, c'est ça, directement. Ouais. D'accord, ok. Bon, voilà. Vous pouvez tester chez vous, allez-y. C'est ouf, c'est ouf. Maintenant, recommence. On a filmé parce que c'est vrai qu'à la radio, c'est un peu compliqué. Vous verrez, on va mettre sur amical.fm et puis on verra. Pablo, il est tout blanc. Il est choqué. Allez, on revient dans quelques instants. Il t'a envoyé un esprit, ça se trouve. Ah ouais, c'est pas impossible. Mickaël, le podcast. Bon, et on est là comme tous les soirs, effectivement, ouais, 21h minuit, avec le test qui a été fait hein, sur sur Pablo à deux reprises, une fois en direct, une fois bah, pendant la pause. Ouais, parce qu'on n'y croyait pas, donc on a retenté le coup, mais en fait, c'est pareil. C'est donc être 4 pour lever Pablo, qui fait 105 kilos, avec un doigt chacun, enfin deux doigts chacun. Deux doigts chacun. Alors, le problème, c'est qu'on ne pourrait pas expliquer, on ne sait pas comment c'est possible, bah, on pense que c'est du magnétisme ou de l'énergie, mais et que le cerveau doit jouer... Ouais, ou que... Si vous savez, en tout cas, vous dites-nous. Ouais, ou en tout cas, qu'il y en a un dans l'équipe qui prend tout le monde pour un gros connard. Moi, je crois que c'est ça. Bah non, puisque la première fois, ils n'arrivent pas à le soulever, et la deuxième, ça marche. Non, ça, c'est, je suis incapable d'expliquer, mais ça marche vraiment. C'est vrai que j'aime pas la tête de con que t'as là, un peu, peu sourire moqueur. Qui bosse avec nous, mais que vous l'entendez jamais à l'antenne, donc. Et là, comme par hasard, tout d'un coup, il y a une idée qui lui arrive. Hein, c'est bizarre. En fait, il est pas à l'antenne à cause de ses chaussures qu'il a aujourd'hui. Si vous voulez, ah, ça c'est certain. Elles sont assorties à son écharpe. Vous les montrez. Je vous montre qu'il y a pas d'arnaque. Vous le faites avec moi. Il a une viennoiserie en. Il a des pains au chocolat. Bon, alors maintenant c'est lui qui s'assied. Voilà. Toi, t'es encore plus lourd. Tu fais combien, toi? Je fais 110, 112 par là. Oh la vache. Bah, attends, si on y arrive avec lui, c'est un problème. Vas-y, Pedro, vas-y. Ouais, bon, moi je propose que Pedro il essaye. Par contre, j'essaye à porter un. Bon, essayons de le porter sans faire le délire du magnétisme. Si vous avez la webcam à disposition, allez voir parce que c'est ouf. Voilà, c'est ça. Alors attention. C'est assez impressionnant. Sous les bras. Attention. Alors il y a les deux mains qui sont mises jointement et il y a que l'index qui ressort. Et donc c'est avec l'index qu'il les soulève. Chacun un en dessous du bras gauche, en dessous du bras droit et un. Il en manque au un. Genou. Simon, vas-y. Un au genou gauche et un au genou droit. Vas-y, Paul, donc ça fait 4 personnes. Et voilà. On a mis deux maigrichons. Depuis 3 mois, je sais pas comment il s'appelle. On a mis deux maigrichons quand même. Hein. Voilà, oui, c'est ça. Il y a quand même Pedro, il y a Paul le stagiaire là qui est tout maigre. Donc ils vont essayer de soulever Fred qui bosse avec nous, qui fait 110, 112 kilos. 1, 2, 3. Oui. Bon, ils galèrent. Ils n'y arrivent pas. Ils galèrent. Donc là, ils vont faire la formule donc là, magique. Il faut vraiment que vous fassiez bien comme il faut. Hein, sans trop appuyer sur les mains au-dessus de ma tête. Il faut qu'on touche ma tête quand même. N'appuyez pas trop et concentrez-vous. Je compte jusqu'à 15. Dans ta tête. Hein. Voilà, donc c'est là, ils font le magnétisme. Ils mettent les mains les unes au-dessus des autres, au-dessus de la tête de Fred. Donc. Pedro a un bon petit cul quand même, hein, de profil. Donc on va voir comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont réussir à lever Fred 112 kilos rien qu'avec les index? Ils sont 4. Hein. Je dirais que tu commentes le mariage d'une princesse. Ouais. Ou alors 4 divorces. Ouais. Ouais, dans les tribunaux. C'est bon ou quoi? Vous êtes bien concentrés, allez-y. Alors, attention. Ils essayent de le porter. Allez. Vite, tardez pas. Oh la vache! Mais c'est ouf! Ça remarche! Il n'y a pas d'arnaque, je suis assis. Mais c'est improbable! Bon, alors, faisons l'interview de Pablo qui est quand même relativement. Qui est le plus choqué. Pablo! Qu'on appelle Jamy! Bon, viens là. Alors, comment ça se passe? J'arrivais pas à le soulever au début. Ensuite, je me suis concentré. On se croirait dans un téléachat. Non, mais c'est abusé. Là, on dirait la fin d'un match de L1. On l'a vu, hein, ça, c'est bon. Quoi? On a vu ça. Ouais. Non mais t'as l'air choqué là, t'es surtout tout blanc hein. Vraiment. Ah, oui, non, mais... Tu es blanc, ouais. Ah, donc tu vois, il n'y a pas d'arnaque. Ouais. C'est improbable, on n'a pas d'explication, c'est énervant. Ouais, si vous avez déjà vu cette expérience, si vous savez comment ça se fait que ça marche, ouais, on aimerait bien savoir. C'est chelou sur le chat, il y a Émilie qui dit oh merde. Oui, bah ouais. C'est bien de le dire, Camille qui dit c'est trop fort. Nathalie qui dit oh my god, j'imagine qu'il y a un. Alors juste un truc important, si vous le faites à la maison, attention quand vous reposez le mec, hein, faut pas le lâcher d'un coup. Oui, le lâchez là, pas il peut comme s'éclater une merde. Le c'est fion clair, quoi. C'est clair. Ne lâchez pas comme une merde. Bon bah très bien, hein, si vous avez fait de l'hypnose, tout ça, on en parle bien sûr. Laissez votre numéro de téléphone au 612 en débutant votre message par NRJ. Et puis on va faire le jeu des amis dans un petit instant. Nouvelle application Facebook aussi qui est sortie. C'est Facial Profiler qui vous permet de retrouver les personnes qui vous ressemblent dans le monde entier. Oh c'est fort. Ressemble physiquement? Ouais, physiquement. Ouais. Et déjà 300 000 à avoir déjà scanné leur tranche. Ah, putain, et après, ils vont aller pleurer parce que leur visage est partout sur Internet. Tu vois. Non, mais ce qui serait drôle, c'est que tu le fasses, toi, et qu'on voit si Ricky Martin a fait pareil. C'est drôle, ça. Bah oui, ouais, tu ressembles à Ricky Martin. Bah, il faut que Ricky Martin soit scanné aussi sur cette application. Ouais. Exactement. Ah, d'accord, c'est pas toutes les photos de Facebook qui scannent. Ah, peut-être, je sais pas. Non, je crois qu'il faut avoir l'application que Moi, je l'ai fait, moi. Et alors, tu ressembles à qui? Non, mais je pense que c'est elle qui me ressemble le plus. Hein. Oui, il y a des choses. Gina Veb jolie. Mais sinon, je suis tombée sur une brune aux yeux bleus, mais effectivement, elle avait des grosses joues, comme sur la photo, comme sur ma photo. Un gros nez. Enfin, c'était pas ma meilleure photo, donc. Sorti un hamster, bon. J'étais un peu deg. Très bien, d'accord. Bon, allez, jouons au jeu des amis maintenant avec Jérémy, qui est là, 21 ans de Strasbourg. Salut Jérémy. Salut Michael, salut l'équipe. Ils ont fermé leur gueule. Comment ça va? Ça va, tranquille, et vous? Ça va, tranquille. Bon, alors Jérémy, on va jouer au jeu des amis. On va appeler qui? Jesse, Patrick ou Audrey? Franchement, Audrey. C'est qui pour toi, Audrey? Audrey, c'est une amie. C'est une amie à toi? Très bien. C'est une amie à qui tu mets une cartouche de temps en temps ou? Hein? Je les vends pas souvent. Ah bon, les gars, ouais, ça va. Comment ça se passe? Ça va, ça va. Tranquille. Les vacances, t'es avec ça, la cool. Bon, Audrey, on y va, on l'appelle Jérémy. Allez, on va lui poser 10 questions. S'il répond bien à 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux. Allez. Allô? Audrey? Oui. Salut Audrey, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie. Je suis avec Jérémy pour jouer au jeu des amis. Tu connais Jérémy? Oui, très bien. Je vais te poser 10 questions à son sujet. Si tu réponds bien à 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux, d'accord? D'accord. D'accord, très bien. Bon, si tu sais pas, tu peux passer. C'est considéré à ce moment-là comme une mauvaise réponse. Et il faut répondre du tac au tac, ok? Ok, ça va. On y va avec très nos bien. Candidats maintenant, attention. Ouais, ça va aller, t'inquiète pas. Va. Bon, Audrey, on y va, attention, 10 questions. Top, quelle est sa date de naissance? Le 29/07/1988. 1990, malheureusement. C'est dommage. Ah, 90, hein, c'est marqué. A-t-il une tache de naissance? Sur le dos. Oui, effectivement, bonne réponse. Oui. Quelle est la destination de ses dernières vacances? À Paris. Oui, effectivement, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Combien de tatouages est-ce qu'il possède? Sur le bras. Lequel? Gauche ou droite? Droite. Non, gauche, c'est dommage. Non, mais c'est improbable. Ah ouais, bah oui. T'as dit combien combien de tatouages est-ce qu'il possède? L'autre a dit droite et tu dis bah non, mauvaise réponse. Ah oui, mais c'est marqué combien de tatouages? Un sur le bras gauche. Ah oui, un, d'accord. Voilà. Parce qu'elle a pas du tout répondu 1, 2, 3, 4. Ah non, elle a dit un sur le bras gauche. D'accord. Voilà. Tu chipotes? Non, oui, elle a dit ça, sur le bras gauche, je crois. C'est pas grave. Bah oui, mais ça tombe. C'est... Non, t'as dit sur le bras droite? Oui. Quel casse-pied, c'est épuisant. Voilà. Ah oui, il est relou aujourd'hui. Mais non, c'est oh là pas là. Grave, depuis que tu lui demandais de l'argent prêté, là, on a l'impression qu'il va t'en passer. Elle a pas dit le nombre. Il remet en cause ton travail, quoi. Je c'est honteux. C'est, ça, honteux, c'est hein. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Quel manque de respect. Bon, quelle est sa position sexuelle préférée? Je sais pas. Le missionnaire. Oui. Eh oui. Combien de partenaires sexuels a-t-il déjà eu? Une. Non, trois. Ah oui, bah oui, bah oui. Non. Quel est son plus grand fantasme? On sent qu'il a une imagination débordante. Hein. L'amour missionnaire, on n'était pas loin. Hein. Non. Aucun. Ah ouais. Ah ouais. Putain, oui. Ça doit être le pied. Hein, ah bah je te confirme. Combien de fois par semaine se masturbe-t-il? En quoi? Combien de fois par semaine est-ce qu'il se branle? Alors là, je sais pas. Bah dis au hasard. Dis au hasard. Quoi? Non, deux, c'est dommage. Non. Ouais. Bah, tu étais presque, hein, mais c'est pas grave. Allez, encore deux petites là. De quel signe astrologique est-il? Lion. Lion, bonne réponse. D'accord. Et enfin, le dernier. Sur quelle star française est-ce qu'il est en kiff? Ça peut vraiment être de la merde. Je sais pas. Eh oui. Zinedine Zidane. Ah oui. Eh ben c'est perdu hein. 8 mauvaises réponses, 2 bonnes hein, parce que même si je revenais sur le tatouage où j'ai peut-être chipoté, ça ferait quand même 7 mauvaises et 3 bonnes. Hein. Bon, alors, quelqu'un vomit là. Eh ben c'est pas grave. Jérémy, c'est pour ça. Jérémy et Audrey, passez de bonnes fêtes quand même. Merci de même. Salut à vous. À bientôt. Oui, bon, faut soigner la grippe à maintenant. Ouais, faut aller voir le médecin. Hein. Bon, salut à vous. Et si vous voulez jouer au jeu des amis, n'hésitez pas. Demain, on sera là, bien sûr, en direct entre 21h et minuit. 612, débutez votre message par Énergie. Puis vous mettez amis avec votre numéro de téléphone. Au paquet de rêve, les gants, tout au bain. Voilà, c'est du portugais. Mickaël, le podcast. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore acheté leur cadeau de Noël, sachez que ça va être la folie furieuse. Là, ah, ça a été déjà. Demain, ouais. Après-demain, ça va être la merde dans les boutiques. Les gens vont courir à la recherche des derniers cadeaux de Noël et ça va prendre la tête à tout le monde, évidemment. Du coup, je vous propose quelques cadeaux originaux pour que vous puissiez offrir des cadeaux sympas à vos proches. Alors, il y a plusieurs points. Donc le premier, donc si vos amis voyagent beaucoup mais ne sont pas vraiment doués en langue, offrez-leur les lunettes qui traduisent. C'est quoi ? Quoi ? Les lunettes qui traduisent. Oh, c'est ouf, c'est quoi ? Donc en fait, c'est une paire de lunettes sur laquelle se trouve un écran et à laquelle est branché un micro. Le micro enregistre les phrases du mec qui est devant vous en l'occurrence. Un logiciel les traduit et puis ça vous les écrit sur l'écran de vos lunettes. Ça, c'est chambé. Voilà. Par contre, ça doit coûter un bras. Je sais pas. C'est la société NEC qui fabrique ça. Ils ont vérifié une expression du jour à notre place. Hein. Je vois ce que vous voulez dire. Ouais, ouais. En gros, c'est ça. Ah, mais c'est vrai, c'est essayer avec nos invités Quinri quand ils viennent. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, qui va le payer? Toi. Je suis sûr que c'est un truc qui vaut au moins 1000 ou 2000 euros. Ça doit surtout encore être à l'état de prototype, tu sais, ils doivent le tester. Ah, machin, écoute, je sais pas, mais en ça tout doit cas, traduire à moitié, tu sais, en semi-foireux. Ouais, tu sais, si ça traduit comme tu sais les trucs qu'il y a sur internet, là, tu tapes un truc, ça traduit n'importe quoi. Non, mais c'est déjà ça. Attends, ça donne un sens à la phrase. Non, mais donc c'est un micro. Ça traduit mot pour mot, ça donne pas de sens, oui. Justement. C'est ça. C'est un micro qui capte le son, quoi. Voilà, exactement. Faut pas qu'il y ait 10 personnes autour de toi, sinon. Ah ouais, là, sinon c'est la merde. Sinon t'as tout dans un mauvais ordre. Bon, sinon point 2, le costume anti-grippe A. Ah. Donc il ressemble à tous les costumes du monde. Hein. En fait, il est juste traité au dioxyde de titane qu'on retrouve habituellement dans les dentifrices. Et donc c'est la matière qui décompose chimiquement les molécules de virus. Prix, je sais pas, 1000 euros. Non. 500. Non. 250. Plus. Ah, plus que 1000 euros. Ouais, mais en même temps, ça les vaut si c'est anti-grippe A. 300 et quelques. 390 euros. Oh là là, juste prix, je suis toujours la meilleure. C'est pour les parano de la grippe A. Voilà. C'est pas mal, hein. Ouais. Non, mais ça peut être un bon plan. Hein. Numéro 3, si vous voulez vous faire un kiff sexuel et que vous avez des mœurs un peu étranges, vous pouvez offrir à votre femme, sa virginité. Alors, il s'agit d'un hymen artificiel qui se place 20 minutes avant le rapport sexuel directement dans le vagin. C'est et dégueulasse. Et donc, il va libérer un liquide qui a la même couleur et texture que du sang. Oh, une fois que l'homme pénétrera la femme, c'est dégueulasse. Ça coûte approximativement 25-30 euros. Oh, et c'est dispo sur les sites internet Jijimo. Et la version sodomie marche aussi. Non, là pour l'instant c'est que le faux hymen en fait, hein, qui est replacé. Tof, t'es content, non? Non, ouais. Pas du tout, je déteste ça. Et c'est alors, dégueulasse. Et alors, ouais, c'est horrible. Pour finir la première partie, donc pour le plaisir de madame, tout en restant écolo, il y a le sextoy qui se recharge par USB sur l'ordinateur. 4 heures d'autonomie et puis pour celles qui sont pas très calées ordinateur, il existe le modèle mécanique. Il y a une petite manivelle à tourner, donc une fois que le ressort est comprimé, il libère 20 minutes de vibration. Ah putain, en mode écolo quoi. Voilà, il faut jouer en 20 minutes par contre. Ah, il faut jouer. Non, oui, il faut jouer en 20 minutes effectivement. Ouais, mais donc ça, voilà. Ça va encore. Ouais, c'est pas mal. Donc on vous donnera d'autres idées cadeaux tout à l'heure. Hein. Elles sont sympas en plus ces idées. On en a d'autres en stock, hein, donc à ce niveau-là, on est plutôt tranquille. Qu'est-ce que je pourrais offrir à ma mère quand je vois ça Le vagin artificiel peut-être. Ouais, non. C'est un hymen artificiel. Non, le vibro. Non plus. Un vibro mécanique. Bon, on en a d'autres de toute façon. Si t'as rien trouvé là-dedans, t'inquiète, il y en a d'autres. Hein, on pourra. Oh, ouais, t'inquiète, il y en a. Tes idées sont inquiétantes quand même. Hein. Non, mais il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus normales. D'accord. Tout à l'heure. Non, je dis ça parce qu'effectivement, il y a toujours les retardataires. Hein, tu sais, ceux qui ont toujours. Oh, j'ai encore un ou un pour les cadeaux de Noël. Oh, encore trois semaines. Oh, encore deux. Oh, encore une semaine, j'ai le temps. Oh, j'ai plus le temps. Et puis jusqu'au jour où on dit. Oh putain, c'est demain. C'est ce soir. Ou c'est ce soir, ouais. Le drame, parce que tout le monde court partout. Il neige, le verglas, l'accident, le décès. C'est ce que c'est chiant. Enfin, on dit toujours, c'est un plaisir de te l'avoir offert, ce cadeau. Mais non. Voilà. Non, en fait, ça t'a cassé les couilles toute la semaine galères, avant. Quoi. Galères. C'est une galère. Ouais, franchement. Et quand je vois Sandro qui dit, tu pars en vacances là cet hiver? Non, tu sais, faut que je fasse des cadeaux. Enfin. Mais fais-toi un cadeau. Ouais, fais-toi un cadeau à toi-même. Oui, mais moi j'aime faire plaisir. Ah, ça moi aussi, c'est moi. Voilà. Moi aussi, à moi-même. Dans tous les sens du terme. Ouais. Moi aussi, mais à moi-même. Ouais, bah oui. Enfin, fais tes cadeaux à la main. Tu te fais, ouais. Alors que t'aurais pu te faire plaisir dans un avion, par exemple, tu vois, avec une couverture de... Enfin bref. Oui, mais pour partir avec qui, c'est toujours le même problème. Hein. Bah, part avec Roux. Ah bah non. Avec Toff. Non, ça c'est un cadeau. Non. Ça c'est un cadeau empoisonné. Ouais. Avec Pablo. Non. Bon bah, démerde-toi, reste là. Hein. C'est un cadeau de partir avec moi, je veux pas le dire. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bon, il y a Louis qui est là maintenant, du 76. Salut Louis. Jean-Miguel, bonsoir à toute l'équipe. Comment ça va? Oh, je suis victime d'une hypnose. Ça va, ouais. T'es encore sous hypnose. Ouais. Bon, Louis, comment ça s'est passé au niveau de l'hypnose, alors dis-nous. Bon, en fait, j'avais 7 ans. Ouais. C'était parce qu'en fait, ma mère a travaillé dans un supermarché et tous les ans, ils offrent un spectacle pour les enfants. Mm-hmm. Et c'était un spectacle de magie. Et en fait, il y avait un hypnotiseur, enfin, je sais pas si c'était vraiment un hypnotiseur ou un charlatan. Ouais. Et puis, qui c'est qui veut faire hypnotiser? Et comme en fait je savais qu'on avait des bonbons quand on allait sur la scène, et ben j'y étais. D'accord. Donc le mec, il m'a mis le dos au public. Il a commencé à mettre sa main sur la tête, à prendre un pendule un pendule. En fait, il m'a fait tu suis le pendule, donc je l'ai suivi pendant une minute à peu près. Mmh. Et après, il a retiré le pendule, il me fait tu suis mes doigts. Et à un moment, il a fait comme s'il faisait un flash avec ses doigts, en fait. Comme s'il faisait un flash, c'est-à-dire? En fait, il me faisait suivre ses doigts et après, il a ouvert sa main, en fait. D'accord. Je sais pas comment vous expliquer. Ah oui, une flash, oui, d'accord. Ouais, comme s'il y avait un flash. Voilà. Puis ouais. Après, il me fait fermer tes yeux et puis bah, après, je me suis en allé. Mais j'avais mal à la tête et mal au ventre depuis le truc, en fait. Et après, j'arrêtais pas de tomber. Mmh. T'étais bourré, en fait, il t'avait donné de l'alcool. Je sais pas, mais c'était à genre à 3h de l'après-midi, jusqu'à temps que j'aille me coucher, c'était comme ça. Ouais. Et c'est chaud. Dans la nuit, en fait, c'est une crise de somnambulisme. Ouais. Donc, je me suis levé. Donc, t'es pas le premier, puisque tout à l'heure, elle nous a dit pareil. Bah, elle est là encore, hein, Audrey. Audrey. Ça ressemble un peu à ce qui t'est arrivé, toi, ou pas? Bah, oui, tout à fait. C'est bien. L'hypnose n'a pas forcément marché, mais le résultat après, t'es un peu t'es complètement à l'ouest. Ouais. C'est hyper ça. Ah, donc, ça a marché. Ouais. On peut pas dire que ça marche forcément, parce que sur le fait, t'as plein, t'as les flashs, t'as les machins, t'as les trucs. Tu peux pas dire que t'es hypnotisé. Ça perturbe ton organisme, c'est ça que tu veux dire, en fait. Quand tu tombes dans les pommes, tu t'en aperçois pas que tu tombes dans les pommes. Ouais. Donc voilà, l'hypnose, on peut te dire que t'es hypnotisé, tu t'en rends pas compte. Par contre, après, là, quand moi j'ai eu des soucis pour m'endormir et tout ça, je l'ai ressenti. Donc je peux pas dire que ça fonctionne pas, je peux pas dire que ça marche. Ouais, ouais, d'accord. Mais je sais que par contre le résultat, bah tu vois, c'est comme Louis, qui a pas été bien peu de temps après. Mais en plus à 7 ans, il a pas demandé à ta mère avant la permission? Bah en fait, c'est grave. Je sais pas, en fait, parce que c'était plus un spectacle de magie, donc je sais pas si c'était dans le but de faire ça, en fait. Bah si t'a hypnotisé, c'est que. Ouais, ouais. Il devait demander à ta mère avant, déjà. Hein. Ou alors, c'est peut-être un petit peu, genre, il voulait faire ça pour rigoler, mais le truc a réellement marché. Enfin, on peut pas faire ça marcher. Ah oui. Ça déstabilise, en fait. Ouais, toi, tu as cru à fond, ouais. Magicien imposteur qui, en fait, est hypnotiseur, quoi. Ouais, mais c'est trop bizarre. Ouais. Ça commence à me faire peur, là, ces conneries. Oh, mais non, mais déjà qu'on a essayé un truc de bizarre tout à l'heure, ça a marché. C'est pour ça on connaît pas assez bien notre cerveau et nos réactions, etc. On les maîtrise pas, tu peux pas savoir. Oui, mais non. C'est pour ça, c'est bizarre, ça fait peur un peu. Mais ouais, mais ah oui, pas. C'est chelou. Micha, j'en parlais tout à l'heure, enfin pendant la pause, et il me dit ouais, mais c'est normal, c'est parce que le temps qui reste, en fait, tout le poids s'est bien réparti dans le corps. Mais non, parce que Fred, ça faisait super longtemps qu'il était assis quand on a essayé de le prendre la première fois, et pourtant on n'a pas réussi. Ouais, mais ça veut rien dire, le poids s'est réparti dans le corps, t'as pas 20 kilos qui descendent au pied, quoi. Bah non, oui, mais non, c'est pas possible. C'est ça, et c'est ce que je lui disais, je lui fais 120 kilos mal répartis ou bien répartis, ça fait toujours 120 kilos élevés. C'est quoi. Ça, voilà. Ça veut rien dire. C'est bah, on pourra peut-être demander Franck, l'hypnotiseur qui va venir tout à l'heure, là, qu'on aura par téléphone. On va la voir dans pas longtemps, peut-être là. Avec sa grande moustache, là. On va la voir. En tout cas, il y a pas mal de réactions, là, par rapport à l'expérience qu'on a faite. Donc, on va essayer de les prendre pour peut-être avoir une explication. En tout cas, Audrey et Louis, merci à vous deux d'être passés. Vous revenez quand vous voulez, d'accord? Y a pas de souci. Bisous. Salut à vous deux. Salut. Allez, à ciao. Bientôt. Ciao à vous. Mickaël, le podcast. La fameuse pièce de théâtre, Les Monologues du Vagin, qui fête ses 10 ans. Principe donc, témoignages de femmes du monde entier sur leur sexualité. Ce sont des people qui succèdent sur scène à la lecture des témoignages. Jennifer, Flavie Flamand, Armand Altaï, Kate Winslet, etc. Ouais, enfin en France, il n'y a pas Kate Winslet. Chez elle, là-bas, eh ben si, elle est. Voilà, ouais. Effectivement. Et puis pour l'occasion, donc Nico, ça voulu en savoir un petit peu plus hein, sur les vagins les plus célèbres. C'était un reportage pour 50 Minutes Inside. Bonsoir les loups, bienvenue dans 50 Minutes Inside, voici le sommaire. Aujourd'hui nous allons vraiment rentrer inside the people, à l'intérieur des people. La célèbre pièce à succès, les monologues du vagin, fête ses 10 ans. Et pour marquer l'événement, nous sommes allés interviewer les vagins de celles qui ont fait l'actualité 2009. Pour commencer, une trappe exclusive, une rencontre exclusive avec la chatte de Paris Hilton, une interview au poil. Extrait. Alors, comment est-ce que vous vivez votre notoriété? Je crois que vous avez oublié d'enlever votre tampon, là. Ah oui, pardon. C'est vrai qu'on me voit partout, elle est une des magazines ces derniers temps. Paris n'arrête pas de me sortir sans me couvrir. Alors ça, pour son chihuahua, elle en a des vêtements. Mais pour moi, ah, en plus avec les températures qu'on a en ce moment, tiens. Ouais, bah, je suis arrivé et j'ai le nez qui coule là. Je suis toute chaude, je crois que j'ai de la fièvre. Vous voulez pas me prendre un peu la température pour voir? Tiens. Ah, sale terrible, en plus j'ai les lèvres toutes gercées. Également dans cette émission, un entretien émouvant avec la fouve de Geneviève de Fontenay. Vous la découvrirez enfin comme vous ne l'avez jamais vue. Qu'est-ce que c'est que ce bout de tissu que vous portez? Je croyais que vous étiez contre les strings. Mais non, voyons, ce n'est pas un string. C'est un masque pour me protéger de la grippe. Ah, mais vous savez que ça s'attrape pas par la minche? Par contre, le sida, l'herpès... Ah oui, mais ça, j'ai déjà trouvé la parade. Ça fait des années que j'ai plus aucune relation sexuelle. Comme ça, je suis protégé. Ce soir, dans 50 minutes inside, vous allez aussi rencontrer la coqueluche des ados, la star de Disney. Rendez-vous avec le minou de Miley Cyrus, mesdames et messieurs. Je crois savoir que vous n'allez pas très fort en ce moment. Non, j'en peux plus. Tous les journaux de mode parlent des ceintures de Miley, mais aucun parle de la mienne. Ma ceinture de chasteté. Je suis en pleine dépression. Je suis irritable au possible. Heureusement, tous les soirs, elle se transforme en Anna Montana. Je peux vous dire que je me rattrape bien, là. Excusez-moi, vous voulez un mouchoir? Je crois que vous saignez du nez. Merci, c'est gentil. Mais je préfère une serviette, là. Et pour terminer, le meilleur pour la fin, c'est la schneck de la plus belle voix de l'année, mesdames et messieurs. C'est vrai qu'elle n'a pas un super look. Elle a le poil gras et hirsute. Oh. Mais tout le monde l'aime bien. C'est la choune de Suzanne Boyle. Oh. Pardon, madame, c'est quoi le truc que vous avez là, sur les lèvres? C'est rien, c'est une toile d'araignée. 50 minutes inside, c'est parti pour une enquête inédite et en profondeur. Aïe. Surtout en profondeur. Hein. Et encore, c'était que le sommaire. Et c'était que le sommaire, effectivement. Bon, bah merci Nikos en tout cas de nous avoir donné son exclu. Hein. Merci les loups. Bon, nous on te remercie, tu dis de rien. De rien les loups. Bon, bah profite de ta semaine, des deux semaines. J'suis de vacances. Fatigué, hein. Loup. Ouais, bah va dormir là, qu'est-ce que tu fous là? Là, je dors debout de toute façon. Ah d'accord, ok. Bon, salut Nico. Eh, hey, bonne fête, hein, Nikos. Hein. Bonne fête. Tu nous as prévu un cadeau de Noël? Non, Lou. Ah bon, merde. Tant pis, bon, on l'aura essayé, c'est pas grave. Hein. Bon, on a Franck qui est là maintenant. Francis. Oui, bonjour, je vous écoute avec plaisir. C'est décapant, votre histoire. Oh, le vieux truc. C'est un comédien, c'est quoi? Non, c'est Francis. Excusez-moi, il fallait que ça sorte. Bon, Francis. Oui. Donc, c'est toi qui étais passé Franck déjà dans l'émission. Six. C'est Franck Six. Six. Franck Six. Les mauvaises langues. Non, bien sûr. Non, en fait, c'est Ed Hardy, c'est Christian Audigier qu'on a au téléphone. Ouais, c'est d'accord. Vrai. Bon, Franck Six. Alors, donc, soit c'est toi qui es passé il y a 2 ou 3 ans en direct dans l'émission pour hypnotiser, oui, Pedro, qui est ici à côté d'ailleurs. Je ne sais pas si c'était Pedro, mais ouais, je sais qu'il y avait un certain nombre de personnes qui ont participé. Un tout petit, c'était lui, hein, un tout petit. Et je dors très mal depuis, hein. Ouais. Ah. C'est ça, ouais. C'est vrai, hein. C'est parce que tu dors sur un canapé, ça n'a rien à voir avec. Dans ces cas-là, il faut se faire accompagner. Oui, bah là, oui. Bon, oui. Alors, Francis, donc apparemment, il est possible de faire une hypnose, mais par téléphone. Par téléphone, c'est faisable par rapport à quelqu'un que j'aurais déjà hypnotisé. Ce qui est le cas. La séance d'hypnose est facile à réaliser à partir du moment où on a des supports techniques, c'est-à-dire la qualité acoustique, ouais, qui permet de reproduire les fréquences, enfin la vibration de la voix, ouais, et auquel cas c'est déjà accessible, mais la plupart du temps ça se passe avec des fonds musicaux et tout le toutim, quoi. D'accord. La légende dit qu'il faut me regarder dans les yeux, etc., etc., c'est ce que disait Dominique Webb avec beaucoup de respect à l'époque, mais les yeux, sachez que c'est la première chose que l'on ferme. Donc, dire qu'on endort quelqu'un en le regardant dans les yeux, c'est utopique en quelque sorte. Oui. Oui, donc t'es en train de dire que tous ceux qui disent « regardez-moi dans les yeux », c'est des mythos. Ouais. Mais ça leur donne peut-être un genre, un style, ça permet de draguer plus facilement la gente féminine. Ah, peut-être, oui. On ne sait jamais. Mais disons que c'est une manière de procéder pour capter, il faut arriver à capter l'attention de la personne. Donc là, tu vas faire quoi sur Pedro, par exemple? Parce que tu l'as déjà hypnotisé, lui. Mais il n'y a que lui qui pourra me dire, ou quelqu'un qui va me narrer l'expérience, si Pedro met un casque sur les oreilles. Il en a un, ça y est, je t'écoute. Il en a un. Bon, alors Pedro, quand la séquence d'hypnose s'est passée j'ai bandé, ouais. Dans le studio. J'ai bandé, ouais. Oui, mais écoute, c'est réciproque parfois quand c'est une belle fille. Tu m'as fait de l'effet, Franck. Mais il est vrai que ça peut augmenter le pouvoir de séduction. Maintenant, suffit-il d'avoir le matériel à côté pour pouvoir prouver que ça a marché. Ah oui, oui, oui, il est si là, on parle là-dessus, on va déraper vite. Hein. Oui, oui, bah bien sûr. Ouais. Bon, alors ce que je propose, à la limite, c'est que on fasse la séance d'hypnose dans quelques instants, juste après la pub. Le temps de se préparer, de voir exactement ce qu'il faut, comment ça va se passer, etc. Et puis juste après la pub, on reviendra avec toi. Alors, d'accord. Bon, juste, oui. Qu'est-ce que c'est quoi ton but là avec Pedro? Pour moi, il n'y en a aucun, puisque je ne peux pas le voir et je ne peux pas voir la réaction que j'aurai de ma voix par rapport à son comportement. C'est-à-dire. Tu as la webcam à disposition ou pas là? J'ai une webcam, oui, à côté. Si tu vas sur mikael.fm, tu peux te connecter et voir Pedro. Ouais, t'as pas alors, une deux webcam secondes. Bah si. Ah bah non. Quelle conne celle-là. Il faut que je branche ma webcam. Non, il ne faut pas que tu la branches. Juste internet. Que tu ailles sur internet, sur mikael.fm, et tu verras directement Pedro qui est là debout. Là. Tu vois, là, j'ai hypnotisé alors, Francis. Attends, pour regarder la télé, je me suis acheté une voilà. caméra. Alors, par contre, il y a 5 bonnes secondes de retard. Je ne sais pas si ça pose un problème ou pas. C'est pas grave. Bon, le principal, c'est que j'attends. Je vais sur M-I-K-L. Deux secondes, j'ouvre le... On a le temps de la pub. Par contre, ce qui serait bien, c'est que tu hypnotises les auditeurs pour qu'ils restent le temps de la pub. Oui, oui. Bon, Franck, oui. On va alors, t'expliquer. Alors, qu'est-ce qu'il faut écrire? M-I-K-L. Oui, le bas débit. Hein. L. Point. F. M. FM. Voilà. Tout attaché. Non, oui, enfin, des points au milieu, quoi. Mikael.fm. Oui, Mikael.fm. Point, pas P-O-I-N-T, hein. Oui, oui, bah, évidemment. Mikael, le podcast. On aura quelques réactions sur l'expérience qu'on a faite il y a à peu près une demi-heure, le fait de soulever Pablo et Fred qui bossent avec nous. Ils font tous les deux plus de 100 kilos, largement d'ailleurs, avec deux doigts chacun, quatre personnes, ça fait 8 doigts. C'est improbable. Et voilà. On n'a pas réussi, puis on a mis la main sur la tête, tout ça, enfin je sais pas quoi là. Et alors, puis on a réussi une explication très simple. Ah ouais, c'est quoi? Bah, apparemment c'est une question de répartition de poids. Bah, non, ouais, n'importe quoi. Bon, et avant ça, on a toujours Frank Six qui est de retour, donc qui avait déjà hypnotisé Pedro il y a quelques années en direct ici à la radio en venant dans les studios. Maintenant il s'est connecté sur la webcam, donc il voit Pedro. Alors Franck, est-ce que tu vois Pedro? Oui, je vois Pedro, il est assis sur le bord de la chaise, il vaudrait mieux qu'il s'assied sur la chaise. Bon, assieds-toi sur la chaise. Quoi, qu'est-ce que tu vas me faire faire? Fais pas le malin. C'est dangereux. Non, non, mais si s'endort et qu'il tombe de la table, d'accord. Ça peut faire mal. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, ah merde, je suis bien calé là, c'est bon, ça va. Voilà, il est bien calé, je le vois. Ouais. Je le vois très bien. Très bien. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est-à-dire, c'est très simple, il va écouter mes suggestions. Je vais lui demander de fermer les yeux, de se détendre, de poser la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche. Et on va voir un tout petit peu la réaction qu'il va réussir à avoir. Là, je vois avec ta main, oui, tu me perçois bien. Voilà, tu te mets dans cette position et tu regardes dans ma direction, puis je vais te guider dans l'expérience. Et t'habites où? Voilà. C'est la mère qui regarde en direction webcam, de la webcam, d'accord. Voilà, dès qu'on peut démarrer l'expérience, on me fait signe. Eh bah, quand tu veux, Franck. Quand tu me reçois, tu lèves le pouce de la main droite. Nous, on doit se taire? Voilà, c'est tout. C'est tout. Terminé, et là maintenant bien sûr, voilà, c'est parfait, tu t'installes comme ceci, tu ne bouges plus. Je te demande d'inspirer profondément une première fois, on inspire et on expulse, lentement, à mon rythme, à ma musique, au rythme de ma voix, on inspire une première fois, on relâche comme ceci. Et on va fermer les yeux pour oublier l'environnement extérieur. Une deuxième fois encore, on inspire profondément et on relâche la respiration. Et une troisième fois, on inspire profondément et on relâche à nouveau la respiration. À partir de cet instant, on déplace son esprit, sa conscience au niveau de sa main droite. Rien ne bouge, aucune partie de ton corps n'est activée, simplement par la pensée. On se déplace au niveau du pouce de la main droite, on se déplace à l'intérieur de l'index et toutes les parties des doigts de la main droite. Aucun muscle ne tressaille. Le rythme cardiaque est normal, la respiration régulière. Tu t'attaches au rythme de ma voix, monotone et monocorde, qui imperturbablement rentre dans ton esprit. ton articulation du poignet qui ne bouge plus, ne s'articule plus, tous les muscles de l'avant-bras se détendent, se décontractent. L'articulation du coude, les muscles du biceps et du triceps, c'est quelque part là où ce bras se rattache au corps, tel un élastique que l'on tend et que l'on détend, ce bras droit va devenir lourd, très lourd, agréablement lourd, comme au moment du sommeil, mais ton corps se repose, tu ne dors pas. On déplace ton esprit, sa conscience au niveau de la jambe gauche. Les doigts de pied, les uns après les autres, se détendent, se décontractent. L'articulation de la cheville, les muscles du mollet, l'articulation du genou, les muscles de la cuisse. Pour la troisième fois, nous déplaçons notre esprit et notre conscience. Même si ma voix est beaucoup plus rapide, ça n'a aucune importance. C'est le flux, le rythme, la sonorité qui provoque l'état d'engourdissement que nous recherchons. À travers la décontraction complète et totale de l'articulation de la cheville droite, des muscles du mollet, de l'articulation du genou, les muscles de la cuisse. Parfaitement détendu, parfaitement décontracté, on relâche encore et encore toutes nos tensions musculaires et nous déplaçons notre esprit, notre conscience au niveau de notre main gauche. L'ordinateur qui est le cerveau sait généralement maintenant comment réaliser l'expérience. C'est-à-dire que c'est le pouce et l'index et toutes les parties de la main droite et de la main gauche qui se détendent et qui se décontractent. L'intérieur, l'extérieur de la paume de la main, tous les muscles de l'avant-bras, l'articulation du coude, les muscles du biceps et du triceps, et quelque part, là où ce bras se rattache au corps, tous les muscles vont se détendre, se décontracter. Avec la même facilité que nous sommes arrivés à déconnecter les tensions musculaires sur toutes les parties du corps, nous allons penser à la partie basse de notre visage, qui lui se détend, se décontracte. Nous avalons notre salive, la peau du visage devient parfaitement lisse, notre front se déride et nous pouvons avaler notre salive agréablement. Dans cet état, nous allons descendre des niveaux de plus en plus profonds. Notre bras droit va devenir encore plus lourd, il va se détacher du corps et glisser le long de la cuisse droite, lentement, tranquillement, agréablement, pour ressentir cette lourdeur qui s'empare de notre corps, de notre esprit. Ce bras droit se déplace lentement et glisse le long de la cuisse droite, très lentement, très lentement. La lourdeur devient de plus en plus importante, de plus en plus importante, de plus en plus importante. Et nous ressentons le même phénomène au niveau de l'arbre de vie qui est la colonne vertébrale. Et nous visualisons toutes les parties arrière du cerveau, toute la partie du cuir chevelu qui se détend, se décontracte. Nous inspirons encore profondément et nous relâchons tous les muscles. À cet instant précis, la déconnexion avec l'environnement extérieur nous permet de récupérer des heures et des heures et des heures et des heures de sommeil. Cette technique de relaxation agréable et profonde peut être réalisable par tes soins quand tu le veux, quand tu le souhaites. N'importe où, il suffira pour cela de s'isoler des bruits extérieurs et de se laisser complètement envahir par le rythme de l'écoute de ma voix ou le souvenir de l'expérience. Le système et le principe est très simple, il suffit de déconnecter, alourdir, détendre, relâcher et respirer calmement. Calmement. À partir de là, on est en mesure de réaliser ce qu'on appelle des vœux d'épanouissement. Si par exemple tu souhaites augmenter ta mémoire, te défatiguer plus facilement, il est facile de refaire cette expérience n'importe où, dans le métro, à partir du moment où personne ne te touche, à partir du moment où personne ne bouscule ton corps, tout est possible pour toi. Dans quelques instants, nous allons imaginer que ta main droite est attachée avec un fil invisible à un ballon gonflé avec de l'hélium et que ta main droite va se détacher du corps et monter dans l'espace lentement. 1, 2, 3. On visualise l'expérience de légèreté au niveau de ta main droite. Elle se détache du corps et va monter de plus en plus haut, lentement. Lentement, tu la forces à décoller. Cette main droite se détache de ton genou et monte vers l'espace comme si la partie de ta main droite était aimantée et que le plafond soit aussi aimanté. Tu sens que ta main droite se détache de ton corps et tu la fais monter encore plus haut. Encore plus haut, lentement. Tu décroches cette main et elle monte. Elle monte tout doucement, très doucement. fais-la détacher de ton genou. Elle monte encore. Encore. On la sent, on la voit, on la visualise. Ceci te permettra de réaliser tes vœux, quels qu'ils soient. Cette main droite se détache de ton genou et monte lentement dans l'espace. Encore plus lentement. Vas-y. Tu fais monter cette main. Tu la décolles. Encore. Encore. On la décolle lentement. Elle se détache de ce genou et monte avec une légèreté extraordinaire. Elle monte. Elle monte. Elle monte. Et les suggestions se mettent en place avec la légèreté avec laquelle tu montes cette main. Tes idées sont agréablement placées dans ton esprit et tu seras en mesure de réaliser tes vœux, tes souhaits dans un avenir très proche. C'est-à-dire avec quelques séquences de détente, accélérer le processus du sommeil et récupérer des heures et des heures et des heures de sommeil. Voilà. Bon, on va porter un terme à cette expérience très simple, en sachant qu'il va être facile dans quelques instants de réatteindre l'état dans lequel on se trouvait avant l'expérience, c'est-à-dire 5. On imagine qu'on est au fond d'un univers de liquide comme une piscine agréable dans laquelle on se trouve. Puis 4, on imagine que l'on est capable de se détacher de ce fond pour se rapprocher de la surface. 3, on inspire profondément et on se sent merveilleusement détendu, merveilleusement décontracté. 2, on perçoit la lumière à travers les paupières qui nous entourent. 1, on peut laisser passer la lumière à travers ses paupières tranquillement. Et 0, on est en mesure d'ouvrir les yeux, on est arrivé à destination, l'expérience est terminée. On ouvre les yeux, on est parfaitement détendu, parfaitement décontracté, et le sourire rejoint ses visages agréablement. Un pseudo-engourdissement a permis de réaliser une expérience de décontraction la plus totale. Voilà. S'il y a une contracture musculaire au niveau du cou, une charmante demoiselle lui permettra de récupérer des sources d'énergie agréables. Voilà. T'as montré ta bite devant tout le monde là. Non mais c'est dingue quand tu comme ça par téléphone, juste avec la voix. Voilà. Attends, ça a marché ou pas? Alors, oui, à moitié. Enfin, mais en même temps, je sais pas, parce que je sais pas quelle est la part de d'hypnose et la part de mon inconscient. Il fait ce que j'entends et mais bien sûr. Et j'essaye de le faire. Bien si je sentais ma main remonter le long de ma cuisse. Oui. Par contre, pour quand elle devait s'envoler dans les airs, ça a moins marché, je pense. Hein. Oui, mais il y a des paramètres sur lesquels on effectue. C'est le fait de voir ce qui se passe qui permet de diriger mon texte et ma voix pour amener les gens à l'exécution des actes pour savoir s'ils sont en immersion ou pas. D'accord, ok, putain, c'est fort. Faudrait bien les hypnotiser où ? Ça marche pas ? Ouais, mais réessayer, j'en sais rien moi. Avec les cons, je change pas d'avis en même temps. Hein. Bah écoute, Franck Six, merci à toi en tout cas d'avoir fait l'expérience par téléphone. Oui. Et puis bah écoute, tu reviens quand tu veux, en vrai, en chair et en os dans l'émission pour refaire une. Pour ceux qui souhaiteraient avoir des informations, on peut très bien dire que mon site internet c'est www.hypnotiseur.com. www.hypnotiseur.com. Voilà. Et là-dessus. Demandez à maman comment ça s'écrit. Hein, ouais. et Et là-dessus, on trouve sur les images sur comment ça s'appelle sur MySpace, sur YouTube, MySpace pour voir toutes les vidéos de toutes les émissions de télé auxquelles j'ai participé. D'accord, ok, très bien. Voilà. Bon, bah parfait. Merci beaucoup, Franck, en tout cas. Merci de m'avoir invité et je suis encore à votre disposition pour venir faire du live. Très bien, et eh ben écoute, c'est gentil, Franck. Mickaël, le podcast. Bon, on va prendre Chéri, je t'ai fait cocu. Ah. Maintenant avec Frédéric qui est là. Salut Fred. Salut à tous. Comment salut. Ça va? Oh, ça va et vous? Bah écoute, ça va bien, ouais, tranquille Fred. Bon, t'appelles du 91 Fred, tu as 19 ans, nous allons faire un Chéri, je t'ai fait cocu maintenant. Ok. Très bien, comment ça va se passer? C'est quoi l'histoire? Bah en fait c'est simple, c'est je vais faire croire à ma copine que je suis tombé amoureux de, on va dire, une de mes ex. D'accord. Et je vais lui faire croire qu'en fait, ce soir, je dors chez elle. D'accord. Et comment s'appelle ton ex ? Elle s'appelait Virginie. D'accord, très bien. Sandro, tu vas t'appeler Virginie. Oh non, j'aime pas ce nom, je oui, peux pas jouer. Oui, en même temps, c'est une ex. Non, j'aime pas. Si, tu vas voir, ça va très bien se passer. Délicieuse. Bon, alors, parfait. Donc, t'es censé être chez elle. Et elle la connaît, Virginie, ou pas ? Non, elle l'a jamais vue. Je lui avais déjà parlé, j'étais tombé amoureux d'elle, mais c'est tout. D'accord, ok, très bien, parfait. Bon, et donc, vous êtes censé être où, là ? Donc, chez elle, hein ? Ouais, chez elle, puisqu'il dort chez Virginie ce soir. Et c'est dans quel coin, comme ça, au cas où elle pose une question ? De quoi, quel coin? Elle est censée habiter dans quel coin? Elle habite à 10 minutes de chez moi. D'accord, ok, très bien, parfait. Bon, eh ben, on y va, Fred. On l'appelle, au plus elle s'énerve, au plus t'as de chance de repartir avec les cadeaux, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti, on y va, bonne chance. Et quand Sandro te parle, bien sûr, tu fais comme s'il était à côté de toi, évidemment. Vous d'accord. habitez ensemble habituellement ou pas? Non, non, elle habite un département plus loin que moi. Ah oui, oui, bon, tu la vois jamais? Si, pendant les vacances. D'accord. Bon, t'as des affaires à elle chez toi ou pas? Pyjama Non. Non, il n'y a rien. Bon, bah, non. On va se démerder. Hein. Très bien. Bon, allez, ça va bien se passer. Vas-y, Fred, on y va, on l'appelle. Ok. Allez, on appelle plutôt le portable ou le fixe? Appelle le portable. Le portable. Verra. Ok, ça marche. Allez, on y va. Attention. Ah, on appelle chez nous. Allô? Oui, allô ma chérie. Oh mon cœur. Salut, ça va? Ça va? Ouais, t'as passé une bonne journée aujourd'hui? Ouais. Ça va, tranquille? Ouais. Ok. C'est cool que tu sois heureuse, comme ça je vais pouvoir, on va pouvoir discuter tranquille. J'ai un petit truc à t'expliquer en fait. Ouais. C'est trois fois rien, t'inquiète, c'est pas très grave, voilà quoi. C'est, on va dire que c'est simple, c'est bah aujourd'hui, vu qu'on s'est pas pu se voir, avec cause de ma gare là, je me suis baladé dans ma ville et tout. Et tu sais, tu te rappelles de la meuf, je t'avais parlé, j'avais rencontré au collège, qui était tombé amoureux et tout, tu sais, Virginie là. Ouais, je m'en rappelle. Ouais, bah en fait c'est simple, c'est que j'ai revu Fanny aujourd'hui, on a discuté tranquille et tout, on se tapait des barres, on est toujours été bons amis quoi. Ça faisait super longtemps qu'on s'est pas vu, donc tranquille. On est parti, on s'est retrouvé chez elle et tout, ça tranquille, on a causé et tout, c'était bien, c'était sympa. On se marrait bien et tout. Et elle m'a proposé de rester dormir chez elle. Et j'ai dit oui. Et elle est encore là, là ou il part dans le On va dire que... Si. On va peut-être se mettre ensemble. Quoi? Ouais. Me la refais, là? Quoi? Bah, c'est simple, c'est que... T'es une fille super géniale, t'es bien. Mais elle, elle est douce, attentionnée et tout. Contrairement à toi. T'es un vrai connard? Tu t'en fous complètement de ma gueule, tu l'as toujours fait. De toute façon, on se voit presque jamais, tu t'en fous tout le temps. Tu préfères être avec tes potes, tu préfères même être sur l'ordinateur que de me causer. Toi, quand je vais te voir, tu vas t'en mettre une, tu vas comprendre ta douleur. Toi, il m'a trompé? Hein? C'est quoi son délire à lui, là? Oh là là, ils sont mauvais à plusieurs. Et on va les garder, eux, parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus de pipo. Derrière, là. Mais tu causes à ta sœur, t'as pas à causer à ta sœur, c'est entre nous deux, là. Enfin, t'es un connard. Ah non, je suis pas un connard, c'est plutôt toi. Comment tu t'occupes même pas de nous, tu t'en fous. Je viens de retrouver une amie, en plus, elle est super jolie, elle a presque ma taille, elle est sympa, elle pense à nous deux, et je vais sûrement rester chez elle. Et c'est bon, c'est fini, c'est fini. Mais Fanny, t'as pas besoin de quitter tout de suite. On peut encore en discuter, ça peut être normal, quoi, on peut peut-être faire la part des choses. Bah quoi? Et toi, tu viens demain? Et je veux te voir. Ouais, je veux te voir. Pourquoi? Tu viens tout de suite. Bah devine. Ouais, vas-y, sans plus. Tu vas me tirer en face de deux, je vais te taper. D'accord? Bébé pas comme ça. Ouais, quoi? Oui, attends deux secondes. Tu viens manger? Deux secondes, on est au téléphone. Je suis au téléphone, j'arrive. Deux secondes. Bébé. Pourquoi? Et t'appelles bébé. Non mais deux secondes, je parle à un pote là, attends, je parle à un pote. Ça va être froid, je t'ai dit. Ouais, mais on a le temps, deux minutes, deux secondes. Je cause à un pote, j'arrive. Je reste ça de temps. Ta gueule à celle-là. Mais non, t'inquiète, allez bien. Au pire, de toute façon. Ta gueule. Et je veux pas que tu restes avec elle. Ah, t'es sérieuse? Putain, j'y crois pas quoi. Tu t'y attendais pas? T'as vu comment? Bah non, je m'attendais pas, t'es con ou quoi? Bébé, trois minutes. Ouais, allez, 5 minutes au pire, je parle à un pote, t'inquiète, je parle à un pote. Ouais, mais à cette heure-ci, c'est un peu tard, hein. On perd du temps, là. Putain, mais arrête, quoi. Vas-y, arrête, là, c'est bon. Mais j'arrête, quoi, de toute façon, tu savais que ça allait arriver. T'as vu comment t'es? Tu penses, déjà, ton ordi passe en prio, tes cours passent en prio, on se voyait jamais, alors ouais, c'est chérie, bon, quoi. Pourquoi tu t'envoies avec ton pote, là? C'est gagné la semaine. Hein. Maintenant, laisse ta gueule là. Chérie, pourquoi tu t'embrouilles avec ton pote? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu lui dois de la thune? Non, je m'embrouille pas avec ton pote. Bah si, tu t'embrouilles avec lui là depuis tout à l'heure. Ta gueule. Non, je lui parle tranquille, ça prend pas tête. Je le connais. Non, tu le connais pas. Tu fais des présentations. Laisse-moi. Non, non, je te l'assurerai pas, tu rêves, toi. Bah parce que moi aussi, il veut me dire bonjour. Allô. Salut. Pourquoi t'appelles mon copain bébé, là? T'as pas mué encore, dis-moi. Quoi? Mais c'est qui? C'est Pierre? Non, c'est sa copine. Ah, t'es une copine? Enfin, son ex-copine. Ouais, chérie, c'est pas cool de traiter les filles de travestis, je t'ai déjà dit. Hein. Ouais, mais bon, c'est un mec. T'inquiète. Bon, il paraît que t'es un peu un garçon manqué et que ça te dérange pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, j'ai fait à manger et ça va refroidir. Non, mais j'en ai rien à foutre. Tu laisses mon copain tranquille. Bah, ça te regarde pas. On fait ce qu'on veut. C'est mon copain, d'accord? Tu le laisses tranquille. Non, c'est pas ton copain, puisque c'est le mien. Tu vas dégager, tu vas le laisser tranquille. Ah, je vais pas dégager, je suis chez moi, t'es mignonne, toi. Ça, je savais déjà. Non, mais tu vas laisser mon copain tranquille. Mais c'est pas ton copain. C'est quoi cette histoire, chérie? Je comprends pas. C'est qui celle-là? Non, t'inquiète, elle a un peu trop bu, tu sais, les soirées et tout, tranquille. Bon, bah écoute, je repasse-moi. Tu me parles sur un autre ton, s'il te plaît, t'es mignonne, toi. Mais je t'emmerde. Repasse-le-moi, s'il te plaît. Mais je t'emmerde, repasse-le-moi. S'il te plaît. Non. Bah je te le passe pas. Allez, ouais, moi je t'emmerde. Repasse-le-moi. Oui, bon, bah je te le repasse, tiens. Allô? Allô? Fanny? Putain, mais c'est une poussière en plus. Bah, me parle pas comme ça, hein. Vas-y, elle est cool. C'est qui, là? C'est un pote. C'est un pote de Fred. Hey, Michel! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Elle est persuadée d'être en couple avec mon doudou. Ah, t'es une mytho, toi? Putain, c'est Fanny? Bah, il paraît qu'elle est alcoolique aussi. T'as quel âge? Mais ça ne vous concerne pas. Bah si, je te demande, t'as quel âge? Mais ça ne vous concerne pas. T'as quel âge? Ça ne vous concerne pas. Allez, dis, ça te regarde pas, tu gagneras du temps. T'as quel âge? Allô? En plus, elle picole, là, j'entends le bruit de la bouteille. Non, putain, merde, je ne bois pas. Je ne bois pas. Bon. Après, pas des soirées qu'elle a fait avec sa sœur, en plus. Eh, hey, Fred. Ouais. Elle sait où elle est, là, non? Bah si. Hein? Bah oui. Ouais, je pense. Hein, oui. Elle savait avant qu'on l'appelle, elle savait. Avant même. Bon, en tout cas, on s'est fondu la poire. Bravo. On peut féliciter Micha. Bravo. Fondu la poire. Micha. Et alors, je lui fais le signe. Tu sais, genre, vite, il me dit, bah oui. Mais ah, c'est sur Aïs. Mais qu'est-ce que j'y fasse? Il peut pas savoir. Bon, Fred et Fanny, je vous renvoie immédiatement chez Micha. D'ailleurs, on va bientôt le brader, hein, pour janvier, on va le solder pour les autres radios, hein, si vous voulez, on vous fait un tarif exceptionnel. Exceptionnel, un truc magnifique, extraordinaire, le top du top au niveau du tarif. En tout cas, on s'est bien marré, ça me fait plaisir. Merci, ça Micha. Ça m'a détendu. Eh ben, tant mieux. Du coquelicot. C'est bien dit, ça. Ouais, effectivement. En route, tu prends la maison, quoi? Un peu. Non, c'est vrai, tu me prêtes de l'argent. Non, rush comme ça. Tu veux un coussin? Attends, mais tu vas lui filer l'argent qu'il t'a demandé? Tu vas lui filer combien, là? Et moi, quand je te demande, tu me passes pas? Mais je lui ai demandé 15 000 euros. Il va me les donner direct, il m'a dit. Ouais, bah, on est pas loin, ouais. Oh, vous êtes loin, quand même. À combien? Dis-le, combien? Tout de suite, exagéré. C'est indécent. C'est pas indécent. Mais t'as des problèmes, Mike? Hein? T'as des problèmes? Bah oui, j'ai prêté tellement d'argent à tout le monde que je suis plus en... Donc moi je fais la banque. Moi, voilà, mais qui te doit de l'argent à toi, Polo? Mais comme il fait la banque du roux, bah du coup j'en prends chez lui, c'est normal. Pourquoi tu reprends pas ton argent à Polo? Parce qu'il y a des problèmes, soi-disant il a perdu son compte. Il a perdu son compte. Non, il a perdu son code, tu sais, pour faire des virements et tout. Ah bah il suffit de passer à sa banque, hein. Bah il paraît qu'il est passé avec mais son numéro de compte. Apparemment on veut pas le recevoir. Ah non, je pense qu'il t'a mis une carotte. Il fait comme tout le monde, il envoie un fax. Je pense qu'il essaie de t'enculer, Mickaël. Non, m'enculer non, mais bon, je préfère franchement qu'il garde l'argent qu'il m'encule. Sincèrement, c'est sûr. Mickaël, le podcast. Bon, et on a Cédric qui a 18 ans et qui voulait nous expliquer un petit peu l'expérience qu'on avait faite tout à l'heure sur Pablo. Ah, il la connaît ? Bah, je sais pas, en tout cas, il est censé nous expliquer un petit peu. Salut Cédric, alors l'expérience qu'on a faite tout à l'heure, c'est que avec 4 personnes, chacun un doigt, on a réussi à soulever Pablo qui fait plus de 100 kilos. On a essayé avant, ça marchait pas, puis on l'a, je sais pas quoi, hypnotisé, magnétisé, je sais pas quoi. Et puis après, il s'est levé tout seul, enfin on a réussi à le lever avec les doigts quoi. Bon, Cédric, alors, est-ce que tu as une explication à ce bordel ? Bah déjà, bonsoir tout le monde. Bah bonsoir. Salut toi. Cédric. Alors, on t'écoute. L'explication, c'est en fait que vous divisez le poids, en fait. La quoi personne, en fait, vous divisez le poids de la personne. Ouais. Parce que déjà, donc, la personne, avec vos doigts, enfin, avec la position des doigts, vous divisez déjà le poids par 4. Ouais. Plus avec vos jambes, vous divisez donc le poids encore par 2. D'accord, ouais. Mais pourquoi la première fois, on n'y arrivait pas et ensuite, on y arrivait ? Après ça dépend de comment entre guillemets vous le prenez. C'est non sûr, mais deux fois c'est pareil, on l'a pris de la même manière. Ah oui c'est vrai que c'est deux fois pareil en fait, c'est pour ça que c'est bizarre. Il paraît vachement plus léger. Alors il y en a qui disent c'est parce que c'est le temps que le poids se répartisse. Non. Non, le poids est toujours pareil. Après ça dépend genre vos jambes, ça dépend aussi si vous les gardez, les pieds collés l'un à l'autre, ou si vous les écartez après. Non mais t'as pas suivi. En fait, on a essayé de le porter. Il avait une position, la position X, d'accord. On a essayé de le porter. Ça n'a pas marché. On a mis les mains au-dessus de la tête. Au bout de 15 secondes. Concentré pendant 15 secondes et après. On a réessayé de le porter avec la même position X et là ça marchait. Ah bah dans ce cas-là, c'est qu'il y a un problème de logique. Ah bah je te confirme, mais c'est ce qu'on cherche depuis tout à l'heure. C'est la réponse, c'est pour parce ça. Mais merci de ton aide précieuse. Bah non, il n'avait pas compris rien. C'est pas ça, c'est parce qu'en fait, par exemple, quand tu prends un poids que tu le mets exemple, à la verticale, oui. Tu vas voir, il sera plus difficile, on va dire, de le tenir longtemps dans la même position, alors que si tu mets à l'horizontale, et ben là d'un coup, ça sera plus facile à porter. D'accord. Bon bah écoute, en tout cas, on est ravis de le savoir. Non mais on a malheureusement pas ça correspond pas en tout cas avec l'expérience que nous on a fait. On n'a pas la bonne explication et ça mais c'est on malheureux. Pourra tester la verticale et l'horizontale, la portée verticale et la portée horizontale, ça on pourra par tester exemple, voir si effectivement exemple, c'est plus facile. Par exemple debout, un peu pieds joints, c'est de le porter, puis après c'est de allonger le puis c'est de le porter. La répartition du poids, d'accord, je capte le d'accord, ok. Bon en tout cas, malheureusement. On n'en sait pas plus sur le coup, mais enfin en tout cas pas à ce niveau-là, mais c'est pas grave Cédric, merci à toi en tout cas d'être passé, de nous avoir expliqué. Hein. Bah... Qu'est-ce qu'il a Micha, il s'en mêle. Vous êtes complètement bête. Mais qu'est-ce que t'as ? Parce qu'elle est là l'explication. Mais non, elle est là l'explication. C'est mais la non. répartition du poids du corps. C'est mais non. On l'a porté de la même manière. Mais parce qu'il a les deux fois. S'il y a 25 kilos dans le bide, ils resteront toujours dans le bide, hein, les 25 kilos. Hein. Mais c'est parce qu'il croisait les jambes, c'est pour ça que ça marchait pas. Non, Micha. Mais arrête un peu, tu dis que des conneries, Micha. Non, mais dis pas des conneries, il est très malin ce Micha. Mais oui, je voulais dire très malin ce grand noir. Ça ne fait pas dire ça. Il est très malin, Micha, parce que ça va le faire chier là, parce qu'il va être obligé de trouver une solution à tout ça. La solution elle est là. Tu veux ça te fait chier de rappeler les gens, c'est ça. C'est ça. Trouve quelqu'un qui a une vraie, qui a la vraie réponse. Mais elle va pas tomber du ciel, c'est pas du magnétisme. Et putain, c'est de la répartition. Mais c'est clair, on t'a pas demandé ton avis. Bah, très... Alors prends quelqu'un est et basta. C'est quand même surréaliste d'avoir si quelqu'un on l'avait pas, celui-là. Qui chipote comme ça continuellement quoi. Il faut toujours qu'il chipote. Il faut toujours qu'il chipote, c'est comme surréaliste. Bon, dans un instant. Et il continue, il chipote en silence là. Ouais, parce qu'on lui a coupé le micro, ouais. Bon, dans un instant, je disais que nous allions passer au Mac du jour, mais avant ça, on va reparler vite fait aussi des monologues du vagin, hein. Et donc à l'unanimité, les critiques sont très mauvaises, hein. Voici donc une petite revue de presse sur la performance de Jennifer. À Chalon, le journal de Saône-et-Loire écrit, disons le tout net, hein, elle parut bien fade. En Suisse, les spectateurs se sont demandé qui était cette. Je cite, hein. Gourde qui n'arrivait même pas à lire son texte correctement. À Annecy, la salle est restée à moitié vide. À Grenoble, le quotidien régional Le Dauphiné Libéré tacle l'artiste. La voix fraîche et agréable de Jennifer n'en demeure pas moins en permanence, davantage dans la lecture sans relief et parfois un peu laborieuse que dans une véritable interprétation. Ah, comment ils l'ont enchaîné. Ah ouais, ah, donc pour ceux qui connaissent pas les monologues du vagin, en gros, l'auteur, donc c'est Evansler, a posé des questions sur la sexualité à 200 femmes, puis elle a recueilli les témoignages et les a compilés pour faire une pièce où trois comédiennes se mettent dans la peau des femmes interrogées. Voilà, c'est ça. Et en France, les monologues du vagin fait leur 10 ans. Et pour l'occasion, Nikos donc a fait une émission spéciale dans 50 minutes Inside. Séquence immersion maintenant dans 50 minutes inside. Jamais nous n'avions été aussi loin. Une séquence touchante, profonde. C'est 50 minutes inside dans l'intimité des stars. Et quel honneur pour moi de faire enfin la rencontre de la première moule de France. D'ailleurs, je crois bien que je suis un des seuls sur Paris à ne pas vous avoir encore croisé. Oh. Bon, évidemment, on va essayer de rester fin, hein? Oh non, s'il vous plaît, pas fin. J'en ai assez des fins. Soyez gros, soyez large, long, mais pas fin. Je crois qu'on va essayer d'en rester là pour la fleur de Carla Bruni. C'est une exclusivité mondiale. Jamais jusqu'à présent quelqu'un n'avait pu l'approcher d'aussi près. Nous sommes sur le point de rencontrer le vagin d'Amanda Lear. Il est juste là, derrière ce rideau. On va l'ouvrir ensemble. Oula. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Et c'est avec grand plaisir que nous partons maintenant à la rencontre du minou d'une grande championne. Il a vécu beaucoup de choses malgré son jeune âge. C'est le millefeuille de leur manodou. Dis donc, vous êtes un peu fripé, non? Hey, t'as vu tes mains, toi, quand tu restes une heure dans ton bain? Eh ben, essaie d'imaginer la vie d'une chatte de nageuse. Passer des heures non-stop dans l'eau. Mais du coup, vous, en tant que chatte, vous devez être soulagé que Laure ait arrêté sa carrière de nageuse. Ah ben, tu m'étonnes. Je commence à en avoir plein de cul pour boire la tasse. Et puis pour terminer, elle fait les beaux jours d'énergie tous les soirs. On a la chance d'avoir en exclusivité dans sa cop Mutinside le patin. Premier témoignage de sa touche. On accueille la chatte à Sandro. Alors, est-ce que c'est facile d'être le dindon d'une star de la radio? Non, c'est pas simple, c'est un merde. D'ailleurs, faudrait qu'elle pense à se caser là. Parce que je commence à avoir des problèmes de voisinage. Avec tout le passage, là, t'as vu, c'est chaud. Si vous le permettez, on n'ira pas plus loin avec la Schneck à Sandro. Tu sais quoi, je m'en bats les couilles. Et évidemment, la plus vulgaire est celle de Sandro. Hein. Il fallait s'y attendre. Ça doit être dur d'être la chatte à Sandro. C'est vrai, c'est vrai. Bon, apparemment, Michel aurait trouvé quelqu'un qui pourrait nous expliquer l'expérience de tout à l'heure. Nous en parlerons dans un instant car il est déjà trop tard. Bienvenue dans le mag du jour, donc de l'actu qu'on doit se faire notre source. On perd pas de temps et on démarre avec les titres du jour. On en a parlé il y a quelques minutes. La désormais célèbre pièce Les Monologues du Vagin fête ses 10 ans et parmi les comédiennes qui se sont succédées sur scène, Flavie Flamand qui déclarait ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France, la scène des orgasmes était libératoire. Oui, alors faut quand même préciser qu'elle a été mariée pendant 6 ans avec Castaldier, hein, Benjamin. C'est vrai. Espace maintenant, un astronome amateur canadien a découvert une nouvelle planète, environ 2,7 fois plus grande que la Terre. Elle est composée de 3 quarts d'eau avec une atmosphère composée d'hydrogène et d'hélium. Elle pourrait d'ailleurs être la planète la plus semblable à la nôtre. Ah bah ça y est, on sait enfin d'où viennent les frères Bogdanov. Et puis dernière minute, c'est une triste nouvelle qu'on vient d'apprendre. Malheureusement, le Père Noël ne passera pas en France distribuer ses cadeaux cette année. Hein. Ah mais pourquoi ? Bah il voyage en Eurostar ce con. Allez, on passe à autre chose ou pas, c'est l'heure du con du jour. Il nous vient des États-Unis, plus précisément à Chattanooga dans le Tennessee. C'est ça, hein, Tof? Ouais, c'est bien ça en fait. Donc, c'est plutôt une conne américaine, hein, puisqu'elle a un fils de 4 ans. Ouais. Et en fait, cette conne s'est réveillée en pleine nuit et là, elle se rend compte que son fils s'est barré. Oh ouais, 4 ans. Oh l'horreur. Et il s'est arrivé quelque chose au fiston Ah non, t'inquiète pas. En fait, la conne s'est mise à chercher son fils, donc forcément. Alors, et en fait, elle a fini par le retrouver. Il était dans la rue, tout seul, habillé avec une robe d'une petite fille. Et en fait, il était en train de boire une grosse canette de bière. Mais arrête tes conneries. Et en fait, le môme de 4 ans était raide mort bourré. Ah, en fait, c'est une vieille histoire du roux. En fait, c'est laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il tease. Non, en fait, le gamin, en fait, il a été emmené à l'hôpital et... non mais c'est pas parce que le roux fait des trucs bizarres à côté de moi. Donc en fait le gamin il a été emmené à l'hôpital et là en fait il a expliqué au médecin qu'il avait volé les cadeaux du voisin pour rejoindre en fait son père en prison. Oh, ça me fait mal au cœur. Oui, enfin, on s'en branle. Oh non. Je voulais rejoindre papa en prison. Bah oui. Bon bah merci pour ce con du jour, Tof. Hein. Allez, rien. On passe au sport maintenant, ou presque après une nouvelle défaite du PSG, c'est le Parisien aujourd'hui en France qui pose cette question. Y a-t-il encore des raisons d'espérer? Mais oui. Bon, d'abord, ils peuvent pas jouer plus mal, hein, et en plus, ils ont refusé de reprendre Rotten, donc ça donne de l'espoir, tout ça. Ouais. Ouais, moi aussi, je pense qu'il y a plein de raisons d'espérer. Hein. Si ça continue comme ça, on peut même espérer que les joueurs parisiens arrêtent définitivement le foot. C'est vrai que c'est un beau motif d'espoir, c'est un roux. Tout à fait. Voilà. Et puis la pelouse de l'Est, Nancy-Lorraine, risque de coûter énormément d'oseille au club lorrain. Avec les températures terribles qui règnent sur la France, la pelouse gèle. Et bah oui, et il faut savoir qu'en cas d'annulation au dernier moment, la Ligue inflige au club une amende de 250 000 euros. Waouh. Bah tu sais que pour deux fois moins, Amélie Mauresmo est d'accord pour échauffer n'importe quelle pelouse. Hein. Allez, une petite astuce, une bonne idée, c'est l'heure du petit truc du jour. Un conseil régime aujourd'hui. Vous voulez perdre du poids, mais vous n'avez pas le courage de faire du sport, prendre des médicaments vous fait peur, eh bien, on a la solution. Oui, arrête de me regarder comme ça, merde. En fait, votre nouvel allié minceur est petit et jaune. Non, ce n'est ni Pac-Man, ni Bob l'éponge, ni même Monsieur Tang. Votre cuisinier chinois préféré, c'est le citron. Ah oui, c'est un brûleur de graisse. C'est le citron qui est notre ami préféré. Il y a aussi des poivrons, si tu veux, Sandro. Le pamplemousse aussi. Voilà, mais je te le dis. L'ananas. Voilà, exactement. Donc la vitamine C du citron va booster votre organisme et vous permettre de brûler plus de calories. Alors cette petite boule jaune possède aussi des vertus détox car il nettoie le système digestif. Pardon. De plus, ses propriétés diurétiques stimulent l'activité rénale et aident à l'élimination des toxines. Pour être efficace, donc vous devez boire le citron avec un peu d'eau chaude et surtout être à jeun. Allez, du courage, hein, c'est dégueulasse, mais ouais, il faut souffrir pour être beau. Hein. Oui, c'était donc le petit truc du jour, voilà. L'édition du bac touche à sa fin, terminons en beauté donc maintenant avec le quiz. Quiz. Bon, qui a dit, dans le Bronx, vous pouvez prendre des chambres d'hôtel pour une heure. J'ai toujours eu 20 ou 30 dollars sur moi pour me faire une femme à l'hôtel. Chris Brown. Non. Eminem. Non. 50 Cent. Non. PDD. Il y a PDD. Qui s'est confié au magazine Playgirl pour une interview. Et donc apparemment, il s'est déjà fait plusieurs mondes. Ça nous étonne. À 20 ou 30 dollars. Oui. Venant de sa part. Ça m'étonne qu'il vienne du Bronx, surtout. Qui a dit, j'ai frôlé, côtoyé la mort. Johnny Hallyday. L'attention du juge parisien en charge de sa demande d'expertise médicale. Expertise médicale. Expertise médicale. Oh, bon, et ensuite, qui a dit, ce sont les meilleurs qui doivent jouer, mais une équipe, c'est aussi un problème de sensibilité entre les hommes. Antoine Camboire? Non. Raymond Dominique? Non. Sa femme Corée, non. Popuel? Non. Didier Deschamps? Non. Eric Cantona? Non. Zizou? Oui, Zinedine Zidane qui parle de... Alors au hasard, mais total. Qui parle de... C'est plus au hasard quand t'as donné 5 réponses avant. Donc du Real Madrid. Zidane, alors j'ai explication, hein. Rassurez-vous, c'est très intéressant. Zinedine Zidane qui parle de L dans France Football. Ah oui, très très belle explication. Je pense que c'est du Real. Je sais pas, L apostrophe et puis dans France Football. Bah c'est dommage parce que on aurait pu oublier n'importe quel autre mot. L'Algérie peut-être. Mais là, on est à côté, c'est dommage. Bon bah c'est pas grave après tout hein. On s'en fout, il a dit, voilà. C'est ça qui est important. Ouais, c'est exactement, c'est ça la principale. Retour du Mac du jour, un autre jour, l'occurrence demain des 23h. Michael, le podcast. Alors apparemment on aurait Sylvain là maintenant qui aurait une explication à l'expérience qu'on a faite tout à l'heure avec Pablo. Alors on a réussi à le soulever en fait avec des. Alors on a essayé de le soulever 4 personnes. Un doigt chacun, enfin deux doigts collés, l'index en particulier collé, donc sur chaque personne, ce qui fait au total 8 doigts. On a essayé de le soulever comme ça, impossible. On l'a après magnétisé, je sais pas quoi, là, avec la tête, avec les mains sur la tête. Et puis on a réussi à le soulever sans problème. Alors pourquoi? Comment ça se passe, Sylvain? Ouais, salut. Bonsoir. Nicolas, bonjour tout salut. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon, alors est-ce que t'as une explication logique à tout ce bordel? Alors l'explication logique, c'est une explication physiologique en fait. Vas-y. Oui. Quand tu essayes la première fois de le soulever, il est quasiment impossible de soulever ne serait-ce que 25 kilos avec un doigt. Ouais. Ou alors c'est qu'on est vraiment balèze. D'accord. Après, vous exercez une pression sur la tête de Pablo. Ouais. Et le problème. Non, il n'y a aucune pression, hein. On ne le touche pas, non, mais on touche pas sa tête. Il y en a un qui pose la main sur la tête. Non, en fait, il effleure, mais il pose pas la main oui, sur sa tête. Ça touche, quoi. Bah, même pas. Si, ça touche la tête au départ. Ça touche les cheveux, si tu veux, quoi. Ça effleure les cheveux. Voilà. Mais le simple fait de faire ça, inconsciemment, vous exercez. Vous prenez de l'énergie, en fait, c'est ça? Non, vous exercez une pression. Sur sa tête, d'accord. Hein. Une pression sur le système lymphatique et sanguin du corps. Ouais. Et après, tout de suite derrière, vous le soulevez. Donc, en fait, la pression, elle s'exerce dans le sens inverse, vers le haut. Si tu attends 15 secondes, en exerçant cette pression, tout le système lymphatique et sanguin envoie la pression vers le bas. Dès que tu le lâches, ça remonte vers le haut, donc ça allège le poids. D'accord. Si tu exerces la pression, que tu attends un moment, que tu lâches la pression, et que tu attends un moment et que tu relâches la pression, tu n'arriveras pas parce que la pression inverse, elle sera déjà passée. D'accord. En tout cas, c'est le plus crédible qu'on a entendu depuis tout à l'heure. Mais alors, ça te fait passer de quel poids à quel poids cette pression? Parce que c'était quand même impressionnant. Ah ben là, par contre, je ne connais pas les chiffres, mais il y a une expérience facile à faire avec ça. Tu prends un ballon de baudruche. Ouais. Tu le remplis d'eau. Ouais. Logiquement, le ballon de baudruche, il reste collé par terre. Ouais. Si tu appuies sur le ballon de baudruche et que tu le relâches, dès que tu le relâches, tu vas voir, il va légèrement décoller, en fait. Ouais. Ah bon, parce que Sandro, elle voudrait faire ça, mais avant de monter sur la balance. tu t'appuies sur la tête et puis tu montes sur la balance. Ça serait se mentir, alors c'est pas la peine. Ah oui, mais bon, ça fait tellement du bien de se dire, ah mon Dieu, j'ai perdu 20 kilos depuis hier. Qu'est-ce que c'est génial, quand même. Bon, bah écoute, merci à toi, Sylvain, pour l'explication. Hein. Bah, c'est sympa, merci. Et avec plaisir. Et puis, bah tu restes au standard, on va te filer un petit cadeau, tu gères ça avec Michel, d'accord? Attends, mais comment tu sais ça, toi, en fait, juste? Parce que j'ai déjà fait l'expérience et puis de c'est temps en temps, comme j'ai des enfants, je regarde, c'est pas sorti. D'accord. Ah, je vous avais dit qu'il faut l'appeler, Jamy. D'accord. T'as son numéro, toi? Non. Ah bah voilà. Mais il y a un de vous qui l'a. Ah bon? Bah pas moi en tout cas. Non. Non, moi j'ai pas son numéro. C'est pas mon ami, Jamy. Hein. Non, moi je l'ai pas. Je sais qu'il y avait un de vous qui avait la. Portable, moi, refuse de prendre des prénoms comme ça. J'ai pas de l'avoir. Hein. Ah, t'as tof, hein, dans tout. Ouais, c'est ça, t'as tof. Hein, non, il y a le rentré à Christophe. Ah, d'accord, ok. Sinon, il passait pas non plus. Et chez Polo, tof, c'est un point. Ah. Ouais, mais Polo, c'est bizarre, t'as des mecs, c'est 1. Il est bizarre, ce garçon. Ouais, le roux, c'est R. C'est juste. Moi, je pense R. que je suis Michel Dardenne. Oui. La personne s'appelle comme il faut. Ah, c'est-à-dire que si vous volez le téléphone de Polo en disant ah, c'est cool, il va y avoir des numéros de stars. Vous aurez les numéros, mais à quoi ça correspond, bah, on peut pas savoir. C'est pas si con que ça, le Polo, je trouve. Ouais, bon, enfin bon, ça va pas lui faire ramener son téléphone. C'est parce qu'il est parano. Ouais, voilà, ouais. Bon, en tout cas, Sylvain, on te renvoie chez Micha, tu vas prendre un cadeau avec lui. Et puis, bon, on va parler football. Ah, si tu veux, ouais. Ah, bah, j'aimerais bien, ouais. Et allez, Paris. Allez, Paris. Allez, on passe direct au classement. Les Bordelais sont premiers avec 40 points et déjà 8 points d'avance sur les secondes qui sont les Marseillais. Non, Lille. 8 points d'avance, mais avec un match de retard. C'est vrai. Donc on va dire peut-être 45. Peut-être 35. Peut-être 35. Peut-être. Faudrait déjà réussir à gagner contre Saint-Etienne. C'est vrai. Voilà. Non, mais vous, il faudrait peut-être gagner contre Grenoble. Ah bah Grenoble, ouais, on va essayer. Ouais, ça va être très très difficile, Grenoble. Vu comment on a joué contre Rennes, ça va être très difficile. Lille, bon alors Lille, s'envole quoi. Enfin, Lille, je crois qu'en 4 matchs, ils ont mis 19 buts. Ah oui, quand même. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Lille, mais ils jouaient contre des merdes ou... Non, là ils jouaient contre Le Mans. Ouais, mais ils ont mis que 3 buts. Le Mans 17ème, ça va. 4 buts, ils ont mis non 3 buts, 3 buts. Ah, 3 buts, 3-0. Ouais, ça fait plusieurs fois qu'ils mettent 4 buts d'affilée. Ah, d'accord, ouais. C'est peut-être ça alors. Le gros score aussi, donc c'est. On en Paris, parlait, hein, c'est Paris. C'est Bordeaux qui a gagné 4-1 contre les Merlus de Lorient. Sinon, il y a eu des Saint-Etienne-Marseille 0-0, Valenciennes-Lens 0-0. Enfin ouais. Bon, bref. Les trois relégables sont Le Mans, Boulogne et Grenoble. D'automne. Et le champion d'automne, c'est Bordeaux. C'est Bordeaux. Ouais. Et bon, pour Paris, ça va, ils sont à la même place que Liverpool dans le classement anglais. Ouais. Paris est 9e avec 26 points. Ah oui. Avec 26 points. Et ouais, mais à 3, à 3 points du 14e. Ouais, mais dans l'autre sens, à 3 points du 4e. Du 6e. Il y a combien de Marseille, donc 6 points. De Marseille, on est 6 points, ouais. 6 points. Bon, ça avec va un match en retard pour les Marseillais. Ah ouais, non, ça va moins bien. Non, c'est de la merde, on a joué comme des branquignols. Et ils jouent quand Marseille, leur match en retard? Je sais pas, ça a pas été. Normalement ça doit être annoncé, c'est celui de Sochaux, mais ça n'a pas été annoncé encore. D'accord, ok. Je sais pas. Bon bah très bien, on verra bien. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Bah il s'est passé que. Ah déjà il y a Valbuena qui a. Voilà, c'est officiel, Valbuena va se barrer. Valbuena, c'est le joueur de l'Olympique de Marseille. C'est le petit. Ouais, je crois que c'est son agent qui a dit qu'il avait beaucoup de regrets vis-à-vis du club, et des supporters et du fait que l'aventure se termine ainsi. Il a donné ces mots-là à l'agent, donc ça voudrait dire que normalement il se barre. Il a aussi précisé que ce n'est pas Valbuena qui quitte le navire, mais Deschamps qui le pousse vers la sortie. Ah ouais? Ouais. Et il part en Angleterre alors, c'est ça? Pour l'instant il n'y a pas de. C'est Ben Arfa qui est approché par les Anglais, par Manchester United. Ouais. C'est le président d'Acier qui avait dit qu'il y avait des touches, que normalement Manchester pourrait l'acheter 9 millions d'euros, mais Alex Ferguson vient de démentir. Il a dit que les seuls recrues qu'il y aura à Manchester, c'est les blessés de ce début de saison. Voilà. D'accord. Et sinon, deux infos un peu ouf. Qu'est-ce qui se passe, Roux? Ben, ça se passe en Allemagne. Il y a un match qui s'est fini, c'est Hanovre qui jouait contre le Borussia Mönchengladbach. Tu peux le redire un coup, presque. Le Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach. Un très très grand club. C'est horrible. De toute façon, les clubs allemands, c'est rarement beau. Donc il y a eu 5-2. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé d'un petit peu insolite pendant ce match? C'est en rapport avec les buts. Je crois que j'ai vu l'image. Le mec, en fait, il a perdu la balle et il l'a mis dans le but. Ça va, un but contre son camp, ouais. Mais c'est le gardien, si tu veux, il voit pas la balle. Si tu veux, il arrête la balle, mais il voit pas où elle est et en fait, il la pousse dans le but. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Mais t'es pas loin. Je sais pas, il l'a arrêté sur sa ligne et en fait, il est rentré avec. Non, c'est un truc digne du Paris Saint-Germain et du défenseur de Zoumana Camara. Sur les 5 buts qui ont été inscrits, c'est Hanovre qui a perdu 5 buts, les 5 buts pris par Hanovre, 3 buts étaient contre son camp. Ah merde. Ah, c'est chaud. Par le même gars ? Un doublé du même gars. Oh, putain. C'est Karim Magui qui a mis un doublé. Hein, quoi, c'est juste des trucs, il essaie de l'arrêter, il rentre ou Non, Karim Magui, c'est un défenseur. Alors il y a une fois, je crois, il fait une passe au gardien en retrait, le gardien n'était pas prévenu. Ah oui, la balle rentre dans le but. L'autre fois, c'est un autre défenseur qui est un peu en galère. Pareil, il veut la passer au gardien. Le gardien n'était pas prévenu. Deuxième but. Ah oui, mais les mecs. Et le troisième, c'est pareil, quoi. Oh là là, le pire, c'est un doublé, quoi. Ouais. J'ai jamais vu ça, un mec qui a fait un doublé contre ton camp. Ouais, c'est doublé. Mais le mec, il remonte plus jamais sur le terrain après. Je pense qu'il était pas bien. Et franchement, j'ai vu la gueule du gardien. Le gardien, tu te dis, mais il a presque envie de rire. Il dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Ouais, parce que au final, ils auraient pu gagner, en fait. Bah. 2-2 quoi. Oui, 2-2. Il y a eu 2-2. Et sinon aussi une autre info qui se passe en Angleterre, c'est à Chelsea, c'est John Terry le capitaine. Alors John Terry, c'est un des plus grands défenseurs de l'équipe d'Angleterre, surtout de toute la Première Ligue. Le mec est payé une blinde, je crois que c'est un des mieux payés de Chelsea. Et il y a des petits soucis avec ses parents. C'est-à-dire disons que sa mère, ils l'ont pécho en train de voler dans un supermarché de la bouffe. Ouais. Ensuite ils l'ont chopé en train de voler des fringues. Donc Terry. Elle est klepto sa mère en fait. John Terry il lui dit mais arrête de voler, on a largement les moyens, te fais pas chier et tout. Donc elle s'est calmée. Et après ça a été du côté du père. Le père qui vend de la cocaïne. Mais oui, putain, dans les rues de Londres, donc le père du joueur de foot quoi, donc ça la fout mal. Le joueur lui a dit arrête tes conneries, putain, on a de l'argent, machin, arrête s'il te plaît. Et maintenant c'est le joueur qui est dans une embrouille un peu bizarre. Non. En fait apparemment il faisait faire des visites à des gens lambda quoi, surtout des riches. Il faisait faire des visites de Stamford Bridge, donc le stade de Chelsea, du club de Chelsea, des terrains d'entraînement. Il disait voilà, vous voyez Didier Drogba, il est là en train de manger et tout. Sauf qu'il n'avait pas prévenu le club. Et il faisait payer 11 000 euros. Ah oui, 11 000 euros à chaque personne qui venait visiter le club. Ah oui, ça fait cher. Alors selon ses dires, parce qu'il y avait un complice, le complice prenait 2000 euros par personne. Ouais. Et le reste de l'argent, donc les 9000 euros, était reversé à une association caritative. Ouais. Oh. L'association de sauver John Terry. Franchement, je me dis, il est pas à 10 000 euros près, quoi. Il en gagne quasiment 160 par semaine. C'est clair. Plus 10 000, ça lui fait de l'argent de poche. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein, plus la coke, ça rapporte. La coke, c'est le père. C'est pour payer les impôts, la coke. Hein. C'est vrai. Bon, c'est tout pour les infos football. Par contre, ça fait bien plus cher que la visite du Stade de France. Ah oui, ça c'est. Ah oui, un truc que je vous ai pas dit aussi vendredi, c'est un truc improbable. Vous connaissez le pays, l'Érythrée. Oui. Non, je connais pas. C'est à côté de la Somalie, je crois. Et en fait, ce qui s'est passé. Ah bah oui. Une grande nation de football. Ouais, vraiment, une nation toute pétée de football. En fait, ils avaient un déplacement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Érythrée, les joueurs de l'Érythrée, déjà, quand ils font un déplacement, quand ils doivent aller dans un autre pays, ils doivent laisser une caution. Ils laissent 7 000 $ de caution. Oui, quand même. Pour pas qu'ils se barrent du pays. D'accord. Donc, ils sont allés faire leur match. L'histoire dit pas s'ils ont gagné ou perdu. Ils sont revenus. Et là, trou noir, en fait, il y a 12 joueurs qui ont disparu. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, mais tu te dis comment c'est possible. Il y a 12 joueurs de l'équipe nationale qui ont disparu. Et là, on sait toujours pas où ils sont. Non, ils ont toujours pas trouvé les mecs. C'est dingue, ça. Alors, c'est dingue, ça. Alors, c'est dingue. Est-ce qu'ils se sont barrés définitivement du pays? Sûrement, bah, ça peut être que ça. Hein. Ils vont réapparaître sous une autre identité au PSG. Ouais, mais bon, plus jeune. Ça leur a coûté 7000 euros de caution, plus... Dollars. Dollars, plus l'achat d'un passeport. Ouais. Ouais, mais je sais pas, peut-être qu'ils ça en va déjà... leur coûter cher. Je sais pas. Ah oui, mais bon. On c'est pas gratuit réponse. Les passeports. C'est bizarre, quoi. 12 mecs qui ont disparu comme ça. Ouais, c'est chelou, hein. Enfin bon. Bon, mais c'est tout pour le football. Oui. Très bien. Il y a des places de foot aussi à gagner là. Ouais, il y a des places encore, pour Lyon-Auxerre. Voilà, exactement. Si vous voulez choper ça, c'est mercredi le match. Hein. C'est mercredi, donc dépêchez-vous, on file les places ce soir. 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez foot avec prénom, âge et numéro de téléphone. On fera le QPR dans quelques instants. Et puis, la suite des bons plans. Pour les cadeaux de Noël, effectivement, dans moins de 3 minutes. Mickaël, le podcast. Et puis, il y a quelques temps, là, je vous parlais de ça dans l'émission, évidemment. Donc, on vous avait donné quelques idées de cadeaux, là, pour Noël. Et on en a d'autres. Alors, il y a Mattel qui sort, donc c'est pour ceux qui galèrent un peu, hein, pour ceux qui n'ont rien prévu comme cadeau. Je rappelle que Noël, c'est quand même dans 48 heures. Ouais. Enfin, le réveillon de Noël en tout cas. Ouais. Le moment. Ouais, exactement. Et donc Mattel sort une nouvelle poupée. Elle s'appelle Gwen. Coûte $95 et est vendue avec le petit livret qui raconte qui elle est. Et le moins qu'on puisse dire, c'est une grosse salope ou un truc comme ça, non? C'est que les enfants vont être heureux. Le papa de Gwen est parti. Sa maman est au chômage. La poupée et sa maman vivent dans une voiture. Hein, donc voilà, c'est ça. C'est la poupée Mattel, qui fait rêver par excellence. Grave. Exactement. Ouais. Ce con. Pour les utilisateurs de Vélib et d'iPhone, la firme Daon propose pour 65€ un chargeur d'iPhone Dynamo. Donc c'est un petit boîtier qui se pose sur le cadre du vélo et qui récupère l'énergie de votre coup de pédale pour recharger le téléphone. Donc en gros, c'est une espèce de petite roulette que vous mettez contre le pneu pour allumer la lumière. Bah là en fait, ça envoie du courant pour charger le téléphone. Ça sert pas à grand chose par contre. Bah si, quand tu pédales, il charge le téléphone. Tu pédales souvent dans la vie? Mais quand tu loues un Vélib. Il y a des gens qui vont tous les jours au travail en vélo. Ouais. Ouais. Mais le Vélib, ça marche bien le Vélib. Hein. Oui, mais bon, rien de tout. Il faut juste savoir. Et c'est vrai que c'est pas dans notre quotidien, quoi. Ah, pour ça avance euros, tellement vite la technologie qu'on suit plus. Ah oh là là, c'est vrai. En plus, c'est pour passer à la dynamo. Oui. Bah en plus, c'est vrai. Bon, et sinon, si vous rêvez d'une grosse poitrine mais vous n'avez pas les moyens de payer la chirurgie, eh bien rien de plus simple, achetez pour 76€ un coffret de 4 CD de 30 minutes dans lesquels on entend des messages et des sons d'hypnose censés vous faire pousser les seins. C'est très sérieux, hein. A priori ça marche puisqu'il est déconseillé d'écouter les CD en voiture et que vous pourrez vous faire rembourser si vos seins n'ont pas grossi après un an d'hypnose. Oui, faut quand même le faire longtemps, quoi. Combien les 4 CD? C'est 76€ le coffret. Ouais. Donc ça va, hein. Ouais. Bon, le numéro 4, donc si Mémé adore son chien et adore tricoter des pulls, offrez-lui petyarnchic.com. C'est que ça. Donc c'est un site internet qui vous explique comment récupérer les poils de votre chien, en faire du fil et enfin le tricoter. Alors, c'est sympa, c'est ouf. Ouais, c'est pas très compliqué, il suffit de brosser le kleb, en fait, de récupérer les poils, de les tisser et hop, un joli pull. Alors bon, faut éviter de porter le pull quand il pleut en revanche. Hein. Ah ouais. Ouais, tu dois puer. Ah bah tu pues ta race. Hein. Oh putain. Ah, c'est glauque quoi, le pull en chien. Ouais. Le pull en poil de ton chien. Ouais. Bon, et enfin, le cadeau qui fait un carton à Londres, il est indispensable selon le cabinet d'avocats Lloyd Platt & Company. Normal, c'est eux qui le vendent. Il s'agit du coupon divorce. Vous achetez le coupon, vous l'offrez et la personne a droit à une demi-heure ou une heure de consultation d'avocat. Et les acheteurs sont les maris et les épouses, mais aussi les maîtresses. Hein. Ça peut arriver que ce soit les maîtresses qui demandent. Écoute, c'est sympa, hein. C'est original. Ils sont cons, ces gens. Putain, ça a le côté, original, le côté pratique. Le cadeau, quoi. Oui, je t'offre une séance chez l'avocat. Au final, c'est ça. Chérie en divorce, tiens, c'est mon cadeau. Voilà, c'est ça, effectivement. Bon, question pour une réponse qui arrive dans quelques instants. Ou Monsieur X, ou question pour une réponse d'abord? Ça dépend, il est là ou pas, X? X, oui, il est en retard, mais il est là. Est-ce que la sécurité l'a laissé passer? Il a eu des problèmes la dernière fois. Je sais. Bonsoir, Monsieur X. Bonsoir. Vous savez que c'était votre dernier passage, là, on hésite à vous renvoyer l'année prochaine. Hein. Oui, vous me dites ça chaque année, de toute façon. Ouais, mais là, c'est sérieux, hein. J'hésite vraiment à vous mettre dehors. Hein. Pardon, mais écoutez, c'est pas grave, hein. De toute façon, je reviendrai un peu plus tard. Hein. Vous m'avez déjà viré plusieurs fois, c'est pas pour ça que je suis pas revenu. Oui, non, d'accord, ok, mais vous irez au Pôle emploi avec Polo. Ah, bah très bien. Quel péteux. au moins, il me tiendra la main. Ouais, vous la ramenez un petit peu quand même là. Hein. Pas du tout. Ah bon, très bien. Bon, de quoi on parle encore, Monsieur X? On va parler de cul comme d'habitude, hein, vous savez bien. Ah, je sais qui a jeté sur qui aujourd'hui? Oh, rouge. non mais. Alors oui, aujourd'hui nous allons parler d'un très joli livre qui s'appelle La jeune tentatrice. Hein, et c'est l'histoire d'un menuisier qui va à la rencontre d'une jeune fille et bon pendant qu'il fait ses travaux bien sûr ça dérape un petit peu hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais ouais ouais. C'est un très joli livre de David Saint-Péché. Oh là là, alors, vous allez pas remettre la musique quand même. Ah si, il faut la musique, je ne peux pas. Sans la musique, je n'arrive pas à me concentrer. À quoi, à penser, à parler apparemment. Ouais, apparemment c'est parler, vous avez un problème de faire. Hein. Pas du tout. Bon, très bien, on vous écoute. Je peux y aller ? Oui, bah on l'attend. Vous n'entendez pas la musique. Bah si vous entendez la musique, elle passe la musique idiot. Là. Vous n'avez pas la musique, vous n'avez pas le casque. Ah, c'est pour ça. Ouais, ouais, ouais, bon allez. J'ai senti la pression s'emparer de mon sexe, le désir charnel me poussant à lui exposer mes désirs. Je descendis ma braguette et saisis ma queue gonflée. Oh. Je la fis difficilement sortir. Ce membre était sûrement le plus gros qu'elle n'ait jamais vu. Elle s'agenouilla lentement. Ne vous enflammez pas non plus, hein. Pardon. Elle s'agenouilla lentement pour le voir de plus près. Elle avait envie de ce gros membre viril et elle l'avait juste pour elle. Elle l'introduisit dans sa bouche, poussant quelques gémissements de satisfaction. Elle me masturba doucement, à deux mains, en suçant mon gros gland. Elle le sortit de sa bouche et lécha mon tronc, des couilles au gland, à plusieurs reprises. Lécha mon tronc, où? Ouais, mais faut pas le lire trop vite. Elle le sortit de sa bouche et lécha mon tronc, des couilles au gland, à plusieurs reprises. J'étais très excitée. Alors qu'elle reprit à me sucer, je sentis que j'allais exploser dans sa petite bouche. Je la repoussai. Elle me regarda dans les yeux, un filet de bave rejoignant sa lèvre inférieure à mon membre. C'est pas beau. Quelle horreur, c'est magnifique. Monsieur, c'est dégueulasse. C'était une passerelle entre ma bouche et sa bite. Le tronc, j'ai pas trop kiffé l'image. Je vois que Monsieur Roux apprécie. Je vais donc continuer. Non, ça ira, c'est bon. Oh putain. J'approchais et j'empoignais son derrière. Je descendis alors sa petite culotte doucement, découvrant chacun de ses orifices. Sa chatte était fraîchement rasée. Ah oui. Sa fente était très humide. Je me penchais et léchais son anus, lui faisant échapper un long gémissement. Elle cambra encore plus son dos pour ouvrir au maximum. Non, bon, ça ira, monsieur X, c'est bon, on va pas non plus y passer la nuit. Ça commence à devenir intéressant. Non, mais ça vient toujours intéressant quand je coupe comme par hasard. Mais c'est ça, pour que je la mange encore plus, je goûtais son jus qui coulait. Non. Oh. Je la léchais du clitoris à la nuit sans arrêt. Ça fait loin quand même. Oh là là. Bon, la monsieur X. De plus en plus fort. Bon, monsieur X. Oui, mais je m'appuie. Oui, enfin bon, écoutez, c'est de la merde. Ah non, c'est pas vrai, écoutez, je vois que monsieur Roux est très adepte de cette lecture. Je lui prêterai mon livre pour qu'il puisse lire le reste de l'histoire. J'ai pris mon membre et le glissé sur son anus. Elle gémissait impatiente. Je reculais encore et passais mon gland dans sa fente très mouillée. Le bout de mon gland trouva rapidement l'orifice et entra un peu, provoquant une grande jouissance en moi. Mais lorsque je commençais à la faire pénétrer, je sentis qu'elle était très serrée. Mais elle me dit « Vas-y, baise-moi, j'ai envie de te sentir en moi. » Je saisis alors son petit cul et commençais à la pénétrer de mon long membre. C'était tellement chaud et serré, j'aurais pu exploser à tout moment. Ah bah on est ravis de la prendre. Ah mais c'est pas fini. Ah si c'est fini. Bon allez stop. C'est dommage, c'est rien de dégueu. Oui, ça devenait intéressant, c'est dommage, on sait, comme à chaque fois. Merci monsieur X. C'est dommage, on a la faciale. Bon, vous faites quoi vous pour Nouvel An? Alors vous avez prévu quelque chose? Bah j'ai pas de cul, hein, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Non mais où ça? Vous avez un endroit Bah écoutez, j'hésite encore, hein. Je pensais peut-être aller aux chandelles. Aux chandelles? Oui, c'est un petit club sympathique sur Paris. Ah d'accord, ok. Mais vous partez pas à l'étranger? Non, écoutez, pas cette année. J'avais hésité avec la Thaïlande et puis je me suis dit non, je vais rester sur Paris. Ah bon, d'accord. Oui, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait un truc qui était très très bien pour vous. C'est un truc qu'ils font sur la plage à chaque fois qu'il y a la pleine lune, c'est la full moon, je sais pas quoi. La full moon party, oui. Ouais, et c'est que des. Déjà, c'est blindé, mais apparemment, c'est une partouze géante. Hein. Ah oui, mais j'y suis allée déjà deux fois et bon, on se lasse un peu, hein, forcément. C'est en fait parce qu'ils servent de l'alcool, c'est-à-dire dans un seau. Carrément d'un litre et ça te coûte je crois 5 euros ton seau d'alcool quoi. Et donc les gens ils restent là pendant 24 heures et donc le matin à 9h du matin c'est l'orgie quoi. C'est la dernière fois que j'y étais, j'ai fini la bite en feu donc j'ai oui, bon ça ira. Ouais. Bon monsieur X, bouffé du tabasco elle. Voilà. Passez une bonne soirée et c'est toujours un plaisir de venir chez vous. Probablement pas l'année prochaine. Hein. Ah bah je suis vraiment déçue. Hein. Ouais. Ça m'aurait fait plaisir de revenir vous voir. Très bien, parfait, oui, mais on verra bien. Allez, au revoir, monsieur X. Oui, bonsoir. Ouais, c'est oui, ça. Bonsoir. Mickaël, le podcast. Nous allons maintenant jouer aux questions pour une réponse avec Vincent qui est là de Rennes. Salut Vincent. Ouais. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça Ça va et toi? Attends, parce que Sandro est en mode grève, elle a même pas encore mis son casque. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un. Comment il s'appelle? Salut Greg. Non, c'est Vincent. Bon, de l'autre j'ai côté, tenté, hein. De l'autre côté, il y a Jessica, 23 ans du 53. Salut Jess. Salut toute l'équipe. Comment ça va? Salut Jess. Ça va bien. Bon, tant mieux. Vincent, tu veux jouer avec qui? Avec Toff. Avec Toff, très bien. De l'autre côté, Jessica, tu veux jouer avec qui? Avec Roux. Non, le bruit de plastique que vous entendez, c'est Sandro qui mange. Qui bouffe. Je qui goûte. Bouffe, qui et qui bouffe. Et qui bouffe encore et toujours. C'est des gâteaux faits maison, on m'a demandé de goûter pour donner mon avis. Ouais, c'est ça. Bon, on va donc jouer. Question pour une réponse maintenant, c'est parti. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Voilà, question pour une réponse. Vincent qui joue avec Toff, Jessica qui joue avec Leroux. Je vais donc vous poser les questions maintenant. Vous êtes prêts? Prêts. Prêts. Attention. Ça démarre bizarrement, mais bon, c'est que Pablo avait certainement une bonne raison de démarrer comme ça. Top. J'ai d'ailleurs aidé un véritable phénomène de mode à cette époque, comme l'iPhone aujourd'hui pour Mickaël et de nombreuses personnes à travers le monde. Je suis une coupe de cheveux que des rockers comme Elvis ou Dick Rivers. La banane. Bonne réponse. On tue dans les années 60, mais je ne suis pas. Mais je ne suis pas qu'une coupe ringarde, je suis également un fruit tropical qui pousse en grappe. Si mon nom est d'origine portugaise, je pousse principalement dans des zones proches de l'équateur. Ma forme phallique m'a parfois valu des utilisations bizarres, mais si vous voulez plus d'explications, vous vous démerderez bien évidemment avec Toff. Par exemple, il a sûrement beaucoup d'histoires à mon sujet. Le fait que je sois légèrement incurvé m'a valu l'intérêt de beaucoup de scientifiques, mais aujourd'hui encore, personne ne sait pourquoi je suis courbé. Je suis jaune et on m'utilise également quand quelqu'un se fait escroquer. Deuxième question pour l'instant, 1-0 pour Jessica Hero, d'accord? D'accord. Okay. Bah oui, on n'a pas trop le choix en même temps. Attention, non mais c'est pour voir si vous suiviez. Attention, top, je suis un chanteur belge, non pas d'Amoni Benibi, je suis... Johnny Hallyday. Non, je suis né à Parme le 7 mai 1953, Vincent... Hilo. Non. Mais j'ai vécu mon enfance à Seraing, une commune de la province de Liège. Claude Barzotti. Non. Où j'y ai entamé des études de technicien en électronique. Je ne suis pas Michel Dardenne. Plastic Bertrand. Non. Puisque je suis chanteur de merde, mes albums s'appellent Toutes les femmes sont belles ou encore Il est toujours question d'amour. Adamo? Non. Ça sent un peu le caca, j'avoue. Oui, mais... Franck Michael. Bonne réponse. Et puis mes chansons, c'est du genre Je ne peux vivre sans toi ou Dites-lui que je l'aime. Donc ça s'annonce pas mieux, hein. Je suis dans l'esprit de Mike Brandt ou de Claude François, mais j'ai quand même un gros côté Elvis Presley. Se fait des couilles en or surtout, ouais, ce mec. C'est ouf. Et par contre, contrairement à eux, je ne suis pas mort. J'ai un succès incroyable auprès des petites vieilles qui s'arrachent mes serviettes pleines de sueur. Mais mes disques ne passent jamais à la radio. Mon vrai nom est Franco Gabelli et mon nom de scène est celui de l'animateur de cette émission, donc Franck Michael. Dernière question. Vous êtes prêts? Prêts. Attention. Top. Je peux être naturel ou artificiel, visuel ou non, tangible ou conceptuel, et je peux entretenir un rapport de ressemblance. La preuve? Non. Direct avec mon modèle ou au contraire, y être lié par un rapport plus symbolique, c'est chiant, et ben c'est pas fini. En optique géométrique, oui. Jessica. Sosie. Non. En optique géométrique, je suis le résultat. Jessica. Reflet. Non. Roux. Je suis le résultat. Oui, Sandro, c'est pareil, hein, puisqu'elle vient de souffler la réponse. Un miroir? Non. Le miroir. Et comme par hasard, ils avaient la même réponse, c'est bizarre. Donc en optique géométrique, je suis le résultat de Sandro du lieu de convergence des rayons issus d'un même point ou le lieu d'où semblent provenir les rayons après la traversée d'un système optique. Jessica. Symétrie. Non. Toff. Eh oui. Toff. Une lentille. Non. Eh oui, vous pensez que j'ai donc mal à la tête. Vincent. Mal. Non. Roux, ah, une image, t'as dit. Qu'est-ce que ça dit, Vincent? Une image. Une image, bonne réponse. Beaucoup d'expressions m'utilisent pour caractériser le comportement d'un être humain, mais contrairement à ma signification, le mot sage n'a pas de rapport direct avec moi. Le roux me collectionnait car il me rangeait soigneusement dans un classeur où je représentais les visages de ses footballeurs préférés. Ma signification vient du latin imago, qui désignait les masques mortuaires. Je suis donc une image. Bonne réponse de Vincent qui a sauvé l'honneur, mais ouais, ça ne suffira malheureusement pas. Désolé Vincent. Pour gagner, puisque Leroux et Jessica remportent donc ce jeu. On est au-dessus du lot. On est au-dessus du lot là. Oui, enfin bon, on va pas s'enflammer non plus. Hein. Ah, bah, qu'est-ce que tu veux. Ne vous enflammez pas. Bon, ben Vincent, malheureusement, tu retournes chez toi les mains vides. Oh. Allez, vas-y. Bah, je fais un petit bonjour à Jérôme et Adrien qui sont en train de m'écouter là. D'accord, bah, le message est passé, pas de problème. Salut à toi. Salut. À bientôt, ciao. Et puis Jazz, bah, c'est gagné, tu vas retourner chez Micha au standard. Okay. On va prendre tes coordonnées et t'envoyer ton cadeau très très vite. D'accord, bah, merci à tout le monde en tout cas. Je t'en prie, salut Jazz. Allez, à bientôt. Et si vous voulez jouer aux questions pour une réponse, eh ben, dépêchez-vous, hein, 6 11 12, débutez votre message par énergie, puis vous mettez QPR avec votre prénom, votre âge et votre numéro de téléphone. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Voilà, et puis dans un instant, on ira faire un tour du côté du Polo Show. Sandro, j'avais dit OK pour l'iPhone si tu jouais pas pendant l'émission. Je joue pas. Qu'est-ce et sur Facebook, je te vois là. Je oui, vois. Bah, c'est pas un jeu Facebook, c'est très sérieux comme. C'est quoi, qu'est-ce que tu fais? Je suis en connexion avec un attaché de presse pour un futur invité. Ça c'est le plus gros mytho qu'elle ait jamais inventé. Bah, surtout, ouais, tu pourrais c'est... varier un peu dans tes, ouais, dans tes mythos. Quoi. Bah non, que... je me sers de mon iPhone uniquement pour contacter les attachés de presse. Non, c'est qui? Pour le mec, tu sais, de Benebi. Ouais. Bah non, il devait venir ce soir, donc t'étais pas très doué. Hein. Bah justement, on est en train de recaler une autre date. Ah non, ouais, parce que c'est un attaché de presse. Bah oui. T'as dit une. Oh, c'est bon, comme si les gens savent très bien que j'ai un peu de mal avec la langue française. Ah, oui, c'est c'est ça. Et avec les mythos aussi d'ailleurs. Mickaël, le podcast. Ladies and gentlemen, the Piolo Show. On y va. Jingle. Jingle. Salut, c'est les plasticines. On ne s'en débarrasse pas, ils nous collent à la Polo Show. Est-ce que je peux en avoir un autre? Un double, s'il vous plaît. Un autre, s'il vous plaît. Oh là là, t'es... Un autre jingle, barman. On y va. Ryan B. Fever. Polo Show. Salut, c'est Magic System et on est dans le Bienvenue. Ah bah là, s'il me coupe la parole, c'est pas possible. Bienvenue dans le Polo Show, j'espère que tout le monde va bien. Vous le savez, comme tous les soirs, je suis là pendant 3 minutes afin de vous parler, de vous aimer un peu et d'échanger avec vous qui êtes derrière votre poste TSF, hein, TSF et à votre poste radio. Beaucoup de monde dans le standard, ça se bouscule. Michel est en train de bosser grave. Le public est là ce soir, enfin. Et bah alors, t'as été arrêté par la neige, public idiot. Eh bah oui, à 3 cm. Et bah je fais quoi, moi? Idiot, bah. Jingle et pub. Si vous avez envie de coucher avec une fille facile et soumise, mais ne savez pas avec qui, il y a une application pour ça. Ah ouais? E-pute, e-soumise est la solution. Ah. Pour cela, c'est très simple. Entrez votre adresse dans l'iPhone et l'application se charge de trouver des jeunes filles pas farouches dans votre quartier. E-pute, e-soumise, c'est uniquement sur l'iPhone. Polo Show. C'est José, la grand-mère de Stan, et j'écoute le Polo Show. Polo Show. De minuit 12 à minuit 15. Polo. This is Polo Show. Le Polo Show. Et sur énergie. Avec Jean-Sens Mobile. Oh là là, cette relique. Putain, je tiens à préciser que... C'est un jingle réalisé sans trucage puisque c'est vraiment la grand-mère de Toff que j'embrasse, c'est d'ailleurs, vrai, sur la bouche. Ah ouais, ouais, bah ouais, ouais, il faut bien faire ce qu'il... Merci, public. Arrête de me lécher, le public. Bon, ça suffit, oui. Bon, Michel, tu fais blinde, tu blindes mon standard et on commence maintenant avec je sais pas qui. Allô. Allô. Ouais, salut, Polo. Ouais, salut. Salut, salut, c'est Johnny Chase. Qui? Johnny Chase. Ah, le fameux Johnny Chase. Oui, voilà, je suis comédien meuble. Je me produis en ce moment chez Conforama, ah, oui, 9h à 18h, voilà. Rappelons ton métier, tu es comédien meuble. Ça consiste en quoi? Effectivement, bah, je meuble les plateaux, je meuble les cinémas, voilà, par exemple, pour te donner un très bref exemple, j'ai joué un stéthoscope récemment dans Dr House. D'accord. Voilà. Mais donc, ça se passe comment, en fait? Tu comment t'arrives à te transformer en stéthoscope? Ah, ça moi, ça m'intrigue. Ce sont les secrets du métier. Hein. Oui, voilà. Non, et est-ce que tu as déjà servi d'en crier? C'est-à-dire qu'on te met une plume dans le cul et des trucs comme ça? Non, pas du non, tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, j'ai joué les plumes de l'Indien de Village People. Ah, putain, et ça se passe comment? Ça sent le sperme, hein, par là. Mais comment ça se passe? Explique-moi vite fait. Eh bien, écoute, on m'appelle. Oui, ça, d'accord. Soit moi, soit mon ami Jean-Marc Barre, qui jouait pourquoi d'ailleurs. Pourquoi Jean-Marc Barre? Pourquoi Jean-Marc Barre? Pourquoi? Qu'est-ce que je te dis? C'est un ami qui est comédien meuble également. Ah, il est con, je savais pas ça. Il a joué dans le sketch de Gad Elmaleh et de Jamel. D'accord, alors Johnny. La barre de fer. Johnny Chase. Oui. Qu'est-ce que tu veux exactement? Eh bien, je viens demander si un réalisateur m'écoute, que je peux jouer, si besoin, un poteau, une barrière, une voiture, ou plutôt une feuille, je ne sais pas, une fenêtre, si possible, une poignée même de Vincent fenêtre. Chase. Non, et... Johnny. Pardon? Johnny. Ah, Johnny Chase. Eh bien, écoute, dès qu'une personne nous appelle au standard pour parce qu'il est intéressé par ta proposition... Tu vas fermer ta gueule, oui. Il est intéressé par ta proposition, on t'appelle, promis. D'accord. Eh bien, je te remercie. Alors, c'est... Pour... Oui. J'ai joué aussi une couette dans Fifi Grand d'Acier. Voilà. D'accord, ok. On j'ai fait joué comme la ça. Couette gauche. D'accord, ok. Parce que la droite, c'est un connard qui m'a pris le rôle. Comme ah, mais ça, c'est il y a des choses comme ça qui arrivent dans la vie, des choses injustes. Ah, mais... ce sont les méfaits du casting. C'est ça. Bon, on y va. C'est un petit peu la Vincent vie, Chase. La tous les jours. Allez, casse-toi. Vincent, Johnny, être, Johnny Chase. Tout le temps avec le... Bon, allez, casse-toi. Qui est là? Eh, oh non, pas lui, mais c'est pas possible. Ah, bah, profitons. Arrête de rigoler comme un phoque. Qu'est-ce que tu veux, monsieur? Alias la tignasse magique. Mon fantasme masculin. L'homme à qui j'aimerais me frotter dans la rue. Mastiquer le manche sur son visage. Lui éjaculer de... Ah bah oui, je suis humain avant tout, hein. Oui, monsieur. Bah la reine du Vietnam, justement, c'est Alexis. D'accord, qu'est-ce que tu veux, monsieur? Il est là, Michael. Non, il est pas là. Bah pour ça, il faudrait qu'il soit là. Ouais, mais il est pas là. Voilà, bah il était là, il est plus là. Paf. Polo. Oui, monsieur. Polo, bah tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Bah ça a sonné à la porte. Ah bah oui, comme tous les soirs depuis 4 ans. Ça sonne, ouais. Ça sonne, tu n'ouvres pas, tu passes par la fenêtre pour aller à New York. Tu dors dans ta salle de bain. Je t'écoute. Polo. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Allez, oh là là, mais tu vas pas passer 3 heures à dire... Le public est saoulé. Non. Vite, monsieur. Non. Monsieur, Tu peux dire merci à Jack pour son texto. D'accord. Et ensuite? Eh ben ça fait... Elle est là, Sadra? Elle est pas là, Sadra. Ah ben merde, je voulais me finir sur ses seins. Ouais, bah tu te finiras un autre jour. Allez, dégage, monsieur. Ciao. Si, allez, casse-toi. Qui est là? Un autre auditeur. On y va, on gigue. C'est quoi ça? Quoi, il y a... Vous me l'avez... T'es quoi, t'as... Il s'est mis sur 50... C'est qui? Je suis la copie conforme de monsieur. Non, ça c'est un imitateur. Tu sais que je suis en vacances en ce moment à Katmandou. Ouais. Bon, le faux... J'ai perdu mon portable. Monsieur. Enfin, le faux monsieur. Ouais. C'est quoi ton vrai prénom? C'est quoi ton en fait, vrai prénom? J'ai perdu des roubles. Je te dis pas des vacances de merde. Bon, en fait, j'y vais pour travail en plus. Je te dis pas. Le faux monsieur. Mon polo. Le faux monsieur. Le faux. Bon, allez, casse-toi toi aussi. Putain, c'est pas possible. Monsieur. C'est vraiment un En plus, il demande à parler. Et c'est pas Michael, c'est Michael. Merci, monsieur. Polo. Vous avez eu votre droit de réponse, ça suffit. Non, écoute-moi, Polo. Vite alors. Oh, mais arrête de me dire vite. Mais toi, c'est vite, ça pousse. Tout pousse. Ça pousse. Oui, bah putain. Mais personne sait qui Serpico. C'est Asbin, Serpico. Qu'est-ce qu'il me disait ça il y a longtemps? C'est nul, mais c'est nul. Mais le mec, t'es Asbin. T'as bientôt la quarantaine, pauvre ringard. Bon, alors casse-toi, voilà. Qui est là? Garde patience. Le Polo Show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Jingle. Bah, il vient le mettre. Ouais, salut, c'est les PZK sur Énergie. Les filles adorent le popo, Polo Show. C'est de la merde, de la grosse merde, Polo Show. Et ça dure 3 minutes. Jingle. Another one, please. Another one, bastard. Jingle. Oh là là là. Alors, j'ai le réa le plus lent du monde. Il est... Il a fait ça, il est parti là. Hey, we're the PYTs, and you're listening to the Polo Show. Monsieur est Jingle. Salut, c'est Michael Youn et évidemment je suis dans le Polo Show. Monsieur est Jingle, on y va. Bonjour, c'est Michel Dardenne, ministre du budget de la région Wallonne. Et moi aussi, j'écoute le Polo Show. Monsieur est Allez, santé. Jingle. Boublil. Salut, c'est Max Boublil sur Énergie. Aujourd'hui, je suis dans le c'est la fête. Plus de jingle. Qui est là? Allô? Ouais. Ouais, c'est le livreur là. Bon, je voulais savoir, le monsieur est là de mes couilles, il peut venir ouvrir la porte pour récupérer son colis? Le qui? Le monsieur est. Bah écoute, ça fait 3 mois que je sonne à sa porte. 3 mois qu'il ouvre pas. Mais c'est pas... fait quoi son colis de merde? C'est pas mon problème, écoutez, réglez vos problèmes en dehors du Polo Show, c'est pas un lieu de. Mais j'aimerais bien, c'est pas un forum. 3 mois qu'il ouvre pas. C'est pas un forum, les gars. Ah bah oui, mais moi je suis devant la porte, je fais quoi là maintenant? Bah tu poses le colis quoi, et puis tu t'en vas. Bah non, il ouvrira pas la porte, après on va dire que je l'ai pas livré. Moi, et bah le livre pas. Eh ben je livre pas, j'en viendrai demain. Alors va, alors viens demain. Allez, casse-toi. Jingle! Bonjour, c'est Mathias de Secret Story, bienvenue sur le Polo Show. Jingle! Hi, this is Joe. This is Kevin. And I'm Nick, and we're the Jonas Brothers. De minuit 12 à minuit 15. And you're listening to the Polo Show. Polo est sur énergie. Pas de jingle! Non, stop. C'est bien, bravo. Parfait. Monsieur, hein? Quoi? Polo? Qu'est-ce qu'il y a? Polo. Qu'est-ce que tu veux? Mène-toi, tu m'énerves, tu m'énerves. Tu m'énerves, tu m'énerves. Tu me parlais pas comme ça, je suis tâton. C'est parce que tu étais un haut responsable. Bon, qu'est-ce que tu veux, monsieur? Traite pas comme une merde. Mais non, je te traite pas comme une merde. Je te traite pas comme une merde, allez. Bon, monsieur. Polo. Quoi? Tu pourras encore me garder une madeleine? Bien sûr, avec plaisir. Allez, on y va. On est parti. Ah ça y est, c'est fini? Ah bah oui, à un moment donné, il faut partir, je te confirme. Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.